Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 3, épisode 47, et je procède au rappel traditionnel de cette émission. Vous pouvez d'abord nous contacter sur notre adresse email, Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur democratie@protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative, pas d'accent sur democratie@protonmail.com. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire des dons en crypto-monnaie via Bitcoin. Mais également Ethereum et Monero. Voilà, si vous souhaitez soutenir ce qu'on fait, n'hésitez pas. Je veux également souligner que, c'est le plus important, c'est normalement, il peut y avoir des imprécisions, mais normalement c'est la dernière émission en clair qu'on fait sur le domaine en .biz, puisque ce nom de domaine va être censuré. Ce jour même, je parle en décalage puisque nous sommes dimanche, jour de l'enregistrement de cette émission, mais elle est publiée sur le site le mardi 27 novembre, et ce mardi 27 novembre a lieu la décision de justice qui va proclamer au nom du gouvernement français, mais en réalité au nom des juifs, des intérêts juifs, l'interdiction sur le territoire français de notre site internet, scellant par là même d'ailleurs toute forme de liberté d'expression sur le web français, d'ailleurs dans le silence général de tous ces pseudo-droitards, on va pas citer tous les noms, mais on peut citer TV Liberté qui a fermé bien sa gueule, c'est pas très étonnant, on pourrait en citer d'autres, bon ça serait sans fin. Égalité et Réconciliation vous a soutenu? Oui, ils ont cité, soutenu, non, ils ont pas soutenu, mais cité. Ils ont parlé, ils ont fait écho, dans les prochains sur la liste d'ailleurs. Comment dire, donc nous avons sur le site expliquer les méthodes à prendre si vous souhaitez pouvoir continuer à accéder au site en .biz, vous en saurez plus par la suite, sous VPN et Tor, d'accord ? Donc c'est tout expliqué, c'est assez simple, nous vous recommandons d'utiliser notamment le navigateur Brave, B-R-A-V-E, ou Brave, en anglais, qui intègre en fait Tor, donc qui est un logiciel d'anonymisation, ça vous permet de surfer sur le web mondial sans passer par les filtrages imposés par l'État français. Donc l'anonymat, plus que jamais l'anonymat est nécessaire pour atteindre les contenus, et ça sera de plus en plus vrai compte tenu du renforcement massif de la censure à venir. Hein. Donc démocratie participative, c'est vraiment le site qui vraiment essuie les plâtres en matière de censure de masse du net. Mieux vous y préparez maintenant, plus ensuite pour accéder à d'autres contenus qui seront par la suite censurés, ça sera facile pour vous, vous serez rompu à l'exercice. Donc tout est expliqué sur le site, sur le côté droit, un guide, suivez-le, c'est très simple, téléchargez le bon navigateur ou utilisez Tor. Utilisez bien sûr un VPN, c'est très recommandé, on vous recommande un VPN pour tout ce que vous faites en fait, hein, même pour vos activités quotidiennes sur le web, prenez un VPN si vous faites du téléchargement, si vous allez visiter des sites, etc. Prenez un VPN, c'est vraiment nécessaire aujourd'hui. Donc voilà, donc tout est expliqué. Bon, j'insiste lourdement puisque cette semaine c'est un tournant non seulement pour nous mais pour le web français, donc tenez-vous informés. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai procédé à ces rappels, je vais présenter nos membres de la semaine. On a toute la fine équipe est présente. pour ainsi dire, peut-être pas toutes, mais enfin en tout cas ses meilleurs éléments. Je salue d'emblée, puisqu'il s'est exprimé le premier, Astérix. Salut Astérix. Salut les Gringoy, bah écoute, content d'être là. Les meilleurs éléments, bon, il nous manque notre ami dans l'évier, il nous manque Argyle, il nous en manque tellement, mais bon. Bah on a eu des grosses équipes, oui, on a une grosse équipe en fait, on a une équipe assez large, oui, c'est vrai. Il y a bien une douzaine de membres en fait, au moins dans l'équipe, mais avec les rotations, etc. Bon. Je m'en passe de sauter sur, pas sauter sur le premier, sur le suivant, mais bon. Pierrot, comment vas-tu ? Salut Gandalf, bah écoute, ça va très bien, toujours un plaisir d'être avec vous pour cette émission. Avec la porte qui claque, ah, tu vois, comme ça, tout le monde est... j'enchaîne avec Captain. Comment qu'il va ? Captain, il zergoute, hein, très très zergoute, parce que les amis nazis de Captain avec les gilets jaunes, ils l'ont réjoui ce week-end en fait, ils ont mis l'ambiance dans la capitale, voilà. C'est très positif, effectivement, on va y revenir très longuement dans la deuxième partie de l'émission. J'enchaîne avec Fulbert. Ah merde, mais non, suis-je bête ? J'ai oublié de te demander, puisque t'es quand même Guingamp. Ah bah en avant les quoi déjà ? Les quoi les... Je sais plus. En avant les nègres. En avant Guingamp, en avant les nègres. Fulbert est en Belgique, pole positionné pour cette émission. Je suis sûr qu'il a la pêche, qu'il va nous envoyer un maximum de nazisme sonore. Comment vas-tu, Fulbert ? Ah, Fulbert va bien, merci. Bonsoir à tous. Alors, j'ai pris des noms, beaucoup de noms, et ta cave qui traîne en longueur, parce que franchement, le rendement, il est médiocre, Fulbert, faut être honnête. J'ai trouvé des recrues de choix. Pour dynamiser tout ça, en plus en sachant que tu as des travaux d'extérieur. Mais là, alors là, j'ai un wagon plein de clients. Tu as intérêt à me les faire bosser. Allez, rendre libre. Allez, rendre libre. On veut que tu nous les libères, Fulbert. Ok. La réponse froide du gardien de camp. Yavo. Derek est aussi avec nous cette semaine. Comment vas-tu, Derek ? Ouais, salut Gandalf, salut tout le monde. Ça va, la pêche. Moi, comme capitaine, je suis extrêmement jovial hein, aujourd'hui. Jovialité hitlérienne. Oui, jovialité hitlérienne, effectivement. De par ce moment fasciste que nous avons vécu ce samedi. Ça fait quelques jours que nous vivons ce moment fasciste. Nous allons y revenir. Alors, les petits amis. Première rubrique de la semaine, courrier des lecteurs, bien évidemment. Le premier touche à la police. Touche à la police, ça fera le lien avec la deuxième partie. Mais on a tenu à nous le préciser. Alors je cite texto ce que l'on nous a écrit dans ce premier courrier. Alors il n'y a pas de nom. On le prend comme il vient le courrier, quoi. Hein. Je pense qu'il faut réellement faire une différence entre les unités de maintien de l'ordre et les services de police urbaine. Voilà ce que nous écrit cet auditeur. Depuis le 17 novembre, les unités de police urbaine ont un très bon contact avec les gilets jaunes, surtout en province. Elles participent même au bon déroulement de ces actions populaires. Deux raisons. La première est que, comme ce sont des mobilisations locales, la plupart des fonctionnaires de police urbaine, police secours, BAC, BI, GSP, connaissent des gens sur les barrages et ils se sentent proches, par conséquent, de toutes ces personnes. Et puis, contrairement aux CRS, les gendarmes mobiles, ils sont moins bien payés et au contact toute l'année avec la vermine de la diversité et pas seulement de façon sporadique. Enfin, peut-être aussi parce que la police urbaine, c'est-à-dire la police du quotidien, vit au jour le jour les mêmes problèmes que le peuple. Et c'est pour cela aussi que c'est dans cette même police urbaine qu'il y a le plus de suicides, de dépressions, de cancers. J'aimerais savoir les stats là-dessus, car de nombreux fonctionnaires déclenchent un cancer 0,1 ou 0,2 après la fin de carrière. Je pense que c'est stade 1, stade 2, hein, c'est comme ça que je l'interprète. Je reviens, ensuite c'est le second courrier, donc autant pour moi. Donc, une précision, je pense que oui, je suis assez d'accord avec ce courrier, je pense qu'effectivement il faut distinguer, une police qui est territorialisée, excusez-moi un petit peu l'expression, et bah, par définition, les CRS et les gendarmes mobiles qui sont, bon, comme c'est indiqué, mobiles. Donc ce sont des gens qui ne sont pas ancrés dans un territoire, ce sont des gens qui ont vocation à, comment dirais-je, à répondre en fait aux ordres du gouvernement central et qui vont là où on leur dit pour taper, parce que c'est quand même la fonction de ces unités anti-émeutes, c'est de taper la population. Hein. Donc effectivement, je pense qu'il faut pas confondre, en fait le commissariat de police du quartier avec des CRS, quoi. Bon, c'est la même crèmerie officiellement, mais c'est pas les mêmes profils, c'est pas les mêmes gens, c'est pas le même boulot en fait. Voilà. Qui veut réagir là-dessus? En fait, il le dit très bien, c'est-à-dire que quand on est aux proximités d'une population tout au long de l'année, en fait, que l'on soit issu de la région ou non, on crée des liens. Alors c'est sûr que si on est de la même région, en fait, et qu'on a fait son école de police, qu'on est parti dans un centre, par exemple à Paris quelques années, et qu'on revient chez soi, on est d'autant plus attaché, en fait, à la région et puis aux gens. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que les gendarmes, les policiers, les militaires ne sont pas affectés dans des régiments qui sont proches de chez eux. Parce que dans l'histoire en France, il y a déjà eu des phénomènes pré-insurrectionnels, notamment les manifestations très chaotiques et violentes du début du XXe siècle, en fait, vers Narbonne, si je ne dis pas de bêtises. C'était toute la filière de la viticulture de là-bas, avec donc les gens, pas que les viticulteurs, mais tous les gens de ce coin-là qui se sont révoltés vis-à-vis de concurrence déloyale, je crois. Il y avait eu des problèmes quelques années auparavant avec le mildiou. Et en fait, le gouvernement avait fait donner le régiment d'infanterie du coin avec ordre de maîtriser ce soulèvement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la fraternisation. Mais c'est normal, puisque quand on vient du coin, que en face de vous, il y a le cousin, le voisin, la personne avec qui on a été à l'école ou alors avec qui on a joué au foot, ben forcément, on n'a pas envie de leur tirer dessus, quoi. Et voilà pourquoi les unités de proximité sont toujours plus à même de sympathiser avec les gens qui manifestent que les CRS mobiles, bien sûr. Alors c'est intéressant ça, parce que ça permet de distinguer deux choses. C'est que l'intérêt du gouvernement n'est pas l'intérêt du peuple. Alors, il y a peut-être des gens pour qui ça va pas de soi, hein, parce que il y a des gens qui pensent que, par exemple, l'État français, c'est l'État des Français. Bon, alors, si vous le pensez, vous avez du boulot à faire, hein, vous avez un gros boulot d'analyse pour sortir de cette illusion. De la même façon, le gouvernement, ah bah j'ai voté, donc c'est mon gouvernement, donc a priori, quand même, il est plutôt bien intentionné à mon égard, et en fait, pas du tout. C'est là qu'on découvre, en fait, que le gouvernement a ses propres intérêts, qui ne sont pas ceux du peuple, et qu'il se défie de la population. Et c'est pour ça qu'il met en place des stratégies comme ça, parce qu'évidemment, une population qui ferait confiance à son gouvernement n'aurait pas à redouter ses forces de sécurité, au contraire, parce qu'elles sont censées être là pour les protéger. Or, en France, les forces de sécurité ne sont pas là pour protéger le peuple, ça c'est un bobard qui est répété sans arrêt, les forces de sécurité sont là pour protéger le gouvernement. Alors, c'est une grande différence qu'il faut souligner. L'excuse qui est donnée aux mutations et au fait que les policiers soient affectés loin de chez eux, c'est surtout la corruption et tout ça. Mais en réalité, comme l'a bien dit Captain, la vraie raison, c'est surtout d'éviter la complaisance, enfin la bienveillance. Fraternisation, c'est le bon terme, hein, fraternisation. La fraternisation. Voilà. Mais ouais, moi j'avais vu, tout le monde le sait, j'ai une bougnoulophilie quasi pathologique, donc des fois je m'envoie un bassin braiki. Je sais pas si vous connaissez ce bougnoul, mais je m'en envoie un de temps en temps, et la dernière fois je suis tombé sur un de ses auditeurs qui était un CRS arabe. Et il racontait bien les détails de tout ce que l'auditeur là a décrit. Et en fait, du point de vue arabe, c'est très très bien, parce que lui, il disait, bah écoute, moi, Bassem, tu vois, je gagne très bien ma vie. Franchement, le boulot, c'est simple, t'obéis aux ordres. Tu vois. Et l'autre, là, Braiki, lui disait, ouais, mais quand même, taper sur des Français et tout, taper sur la population quand ils font des manifestations et tout, c'est... Il faut, tu sais, je réponds aux ordres et tout, c'est pas, mais tu gagnes bien ta vie, quoi, tu vois, tu sais, le mec, il s'en branle, quoi, il tape sur du blanc, pour toucher des fortunes, ce qui sent bon, pas que du blanc. Des fois, il est obligé de taper sur des frères, mais il tape un peu moins fort quand c'est sur des frères arabes. Donc, les CRS, grande méfiance, quoi. Hein, sale corps de métier, que préserver vos enfants de ce... Enfin, non, remarquez, faut bien que des blancs fassent ce métier, justement, pour pas qu'ils soient infestés par la racaille, quoi. Mais bon. Ouais, tu sais, à ce stade-là, ça changera pas grand-chose, quoi. Je veux dire, tu peux mettre des blancs. Tu peux mettre des arabes et des noirs. À la limite, s'ils mettent des arabes et des noirs là-dedans en masse, au moins ça sera clair. C'est-à-dire que ça sera vraiment manifeste que c'est un pouvoir hostile, étranger, quoi, qui administre un état colonial, en fait. C'est ce que je dis. J'ai un peu cette forme. J'ai cette idée-là. C'est-à-dire que je pense, moi, qu'aujourd'hui, la France s'est administrée comme une colonie, de la même façon que par le passé d'autres territoires, et que plus en fait les forces de sécurité comme ça exclusivement dédiées à la répression des mouvements sociaux, des mouvements populaires, donc à distinguer, hein, comme on dit, hein, c'est pas la brigade de votre commune, hein, la brigade de gendarmerie, on est bien d'accord, ou bien commissariat de votre quartier, c'est vraiment ces unités spécialisées dans la répression des mouvements populaires, bah, plus ils seront halogénisés, excusez-moi ce barbarisme, mais plus ça sera clair, quoi. Voilà, c'est des mercenaires dont le job est de faire le sale boulot du gouvernement, c'est-à-dire d'écraser la gueule du peuple. Et plus il aura un taux de mélanine élevé, bah, plus le petit peuple français verra qu'ils ont affaire à un traitement colonial. C'est la colonisation à rebours. Colonisation à rebours. Hein. Donc voilà. Je pense aussi qu'il faut, de toute façon, ils ont les CRS, les gendarmes mobiles ont une formation spécifique. Savez-vous par exemple que les gendarmes mobiles, quand ils sont en déplacement en dehors du territoire français, ils ont le double de rémunération. Donc bon, il faut savoir ça, quoi. Alors moi, je dis pas que tous les CRS ou que tous les gendarmes mobiles sont des crapules. C'est pas ce que je dis du tout, parce qu'il y a toujours des, c'est des unités quand même assez grosses. Il y a quand même de la diversité d'opinions, etc. Mais si vous voulez, la fonction de ces unités, c'est quand même globalement de tabasser, quoi. Donc bon, voilà. En général, d'ailleurs, quand on fait, bah oui, c'est bon. Ça nous amènerait sur nos discussions, mais disons que oui, bien sûr, il y a ce qu'on fait dans le privé, puis il y a ce qu'on fait au niveau professionnel, quoi, où on a des obligations. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que les types sont formés pour taper. Et c'est normal, je veux dire, dans une certaine mesure, c'est normal, on va pas s'étonner que les CRS tabassent, quoi. Je veux dire, moi, je suis pas étonné que les CRS tabassent, je suis pas étonné que les gendarmes mobiles tabassent. Et comment dire, c'est assez connu, en fait, que quand vous commencez comme gendarme, on vous le propose, hein. Quand vous êtes gendarme, quand vous rentrez dans la gendarmerie, on vous propose, ben, par exemple, il y a plusieurs options, quoi. Garde républicaine, si ça vous tente, vous pouvez postuler à la garde républicaine. Bon, c'est à faire un petit peu, mais vous avez aussi le gendarme mobile. Et en fait, vraiment le plus, enfin je veux dire, ce qui attire vraiment les jeunes dans la gendarmerie mobile, en fait, c'est que c'est très bien payé, en fait, par rapport à gendarme normal, en fait, un gendarme. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, quand t'es jeune, effectivement, le salaire, c'est quelque chose d'intéressant. Après, il y a aussi le fait que quand t'es gendarme mobile, tu vas avoir plus d'action, en fait, entre guillemets. Après, t'as des gens qui quittent la mobile justement parce qu'ils en ont marre de taper sur des smicards et qui veulent aussi essayer d'avoir une vie de famille et qui vont essayer de prendre départemental pour être plus tranquille. Mais en revanche, je pense que c'est aussi important à ce que tu dis quand tu parles de la paye, c'est-à-dire qu'on est dans une France dans laquelle effectivement les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts, pour la classe moyenne inférieure, on va dire, ou la classe populaire. Et quand tu es bien mieux payé parce que tu as des indemnités de déplacement, quand tu es bien mieux payé que tes collègues et que la majorité de la population, ben tu as peut-être plus de mal à remettre en question en fait les ordres qu'on te donne. Hein. Tu t'obéis, quoi. Et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais quelque part, ça rappelle la situation qui était la suivante dans l'Empire romain, c'est-à-dire que lorsqu'un empereur avait des problèmes, soit avec un rival, soit voulait asseoir son autorité, alors, par exemple, quand il n'était pas encore empereur, quand il était tribun, par exemple, quand il y a eu le triumvirat, et ben les mecs faisaient en sorte de se mettre l'armée et surtout les gardes prétoriennes dans la poche. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces fameuses unités de CRS sont aussi sélectionnées en amont Il ne rentre pas dans le cœur des CRS uniquement pour le prestige de la paix, c'est aussi parce qu'on les sélectionne. Si, je sais pas, par exemple, il y a un type qui postule et en fait il est connu avant parce que c'est un militant d'extrême droite, on vous imaginez bien qu'il va se faire un peu écarter. Et on sélectionne des profils, les gens qui peuvent obéir sans poser trop de questions. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur, il y a aussi un esprit de. Bah de un corps, esprit de corps, de corps comme un peu quand on retrouve dans les unités militaires classiques, quoi. Les mecs ils vivent complètement ensemble tout le temps, et du coup après là, ils ne pensent qu'à l'intérêt du groupe et ils oublient les considérations politiques qui gravitent autour. Mais c'est normal, je veux dire, c'est normal qu'on raisonne, on va pas non plus prendre à partie un CRS parce que le type a pas une théorie politique, c'est évident. Par contre, j'ai vu quand même parfois des images qui m'ont interpellé, je dois dire. Quand ils font du zèle, quoi. Des fois, il y a des trucs, je dois dire, qui relèvent pas vraiment du maintien de l'ordre. Tu les vois faire des trucs bizarres, genre un type qui passe à portée, et puis tout d'un coup, le mec il l'éclate. Mais même au point où même le CRS ou le gendarme mobile se met lui-même en danger professionnellement. Je veux dire, il peut vraiment. Moi, j'ai vu des trucs. Des fois, je me suis dit, putain, là, le mec, je sais pas si, enfin, il peut rester handicapé lourd, quoi. Des trucs beaucoup trop violents par rapport à la situation, parce que c'est pas genre les mecs sont complètement submergés, il y a des fous, il y a des cocktails molotov, non, c'est juste t'as des types qui gueulent un peu, ils remuent, bon, comme toujours dans ces situations là, puis tout d'un coup tu sais pas pourquoi t'as un type comme ça, il en a le pagain, et plutôt que juste de le secouer, de lui foutre deux coups de tatane avec un coup de matraque, le mec il lui fout un truc, il s'éclate la gueule par terre, et tu te demandes merde, il a peut-être tué le mec. Juste pour ajouter un truc, j'ai vu une petite vidéo marrante d'un jeune homme sympathique qui s'appelle Hervé, qui troll la police. Et sur cette vidéo-là, à un moment, on voit une petite CRS libano-guadeloupéenne, je sais pas quoi, là, dit « Bravo, belle initiative, je veux plus de beurettes et plus de libanaises dans les antillaises. » C'est des femmes CRS, c'est-à-dire elles sont censées taper? C'est ça, mais je veux dire, j'en veux plus, moi, comme ça. Je veux dire, un taux de féminisation des CRS à 100%, ça me va à rire. Continuez, s'il vous plaît. Des femmes noires CRS, je crois que c'est l'avenir. Ouais, mais ça c'est de l'antillaise, hein. Oui. Ah, c'est de l'antillaise, ah oui, c'est sûr. Ou de la gounasse. Ah, c'est pas que je sois lâche, hein, au contraire, je fais quand même mes petits 100 kilos, quoi, mais quitte à, tu sais, devoir faire une petite insurrection, je préfère avoir des antillaises de 50 kilos en face de moi que des mecs du même gabarit que moi, c'est quand même un peu plus facile, quoi. Ouais, elles sont vraiment pas nombreuses parce que c'est l'un des rares corps où on n'applique pas de discrimination positive, vous savez, ce terme qu'on applique par exemple dans l'armée pour permettre aux femmes d'avoir passer les concours avec des conditions plus favorables, mais chez les CRS, ça n'existe pas ce genre de choses. Moi, je suis pour 100% de femmes et d'homosexuels dans les CRS. Ouais. Mais bon, comme on est encore dans un pays réactionnaire, il faut attendre un petit peu. Mais un projet pour la France. Deuxième courrier des lecteurs, les amis, c'est cartographie raciale de Perpignan. Alors, vous allez voir, là, on va rentrer dans les arcanes de cette ville. On change complètement de sujet, bien sûr, mais sans vraiment en changer, parce que, bon, vous avez remarqué qu'il y a des permanences dans l'émission, je pense, en quelques saisons, vous l'avez observé. Alors, je vous livre ce courrier des lecteurs. Je viens vers vous pour vous confier mon expérience de vie dans la ville de Perpignan et dans les quartiers où j'ai vécu, celui de Saint-Jacques et du Moulin à Vent. Je vous livre donc un courrier des lecteurs ou un article, c'est vous qui voyez. Bon. Alors un instant, je vais juste couper, je vais juste agrandir cet article. Perpignan est probablement une des villes où le climat est le plus doux. Putain, c'est... Merde, je comprends pas. Un instant, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fatigues ou quoi? Non, c'est lui, il est pas foutu d'écrire français. 3, 2, 1. Donc je commence ce courrier des lecteurs. Alors, Perpignan est probablement une des villes où le climat est le plus doux. Elle fut la gloire pendant l'héroïque reconquête de l'Espagne sur les Bougnoules et les Youpins. Elle donna naissance à l'un des plus grands poètes du XXe siècle, Robert Bazillac. Mais aujourd'hui, Perpignan est devenu un enfer pour le blanc qui habite dans cette localité. On ne reviendra jamais assez sur l'inutilité du vote Le Pen. Ce phénomène vu de Paris et des grandes villes de province est attrayant, en effet, quand on vit dans une ville où la majorité des gens votent PS, puis La République En Marche. Il est facile d'imaginer une bourgade peuplée de blancs patriotes, la réalité en fait est tout autre. Le vote pour cette conne de Le Pen s'explique par deux choses. Là, il parle pour Perpignan. Premièrement, l'électorat pied-noir. Arrivé en 1962, très attaché à ses racines et à son histoire, elle a toujours été l'une des réserves de vote du Front National. Il est à noter que la population pied-noir a bien souvent des origines douteuses. C'est rarement, enfin, ce sont rarement des descendants de communards parisiens ou d'alsaciens. Le nez et le bronzage ne mentent pas. Deuxièmement, c'est l'absence d'avenir dans cette ville. Les Pyrénées-Orientales sont probablement le département le plus pauvre de métropole. Le discours démagogique de la mère Le Pen et de l'autre fiotte, alors je ne sais pas à qui fait référence, j'ai quelques idées, mais bon, je laisse votre imagination travailler, a beaucoup plus dans ce département. Les premières semaines d'habitation à Perpignan sont souvent agréables pour une raison assez simple, la non-présence de Maliens sous triclos ou de Pakistanais vendeurs de mangue. Les seuls Afro-Maghrébins que l'on voit baissent généralement les yeux. Le charme de cette ville, aux crépis craquelés et colorés, tombe quand, dans un bus ou entre les rayons d'un magasin, on entend la voix braillarde d'une gitane engueuler sa chure transgénique avec des mots si mélodieux comme « Le sang de mes morts, tu vas fermer ta putain de gueule ». Le choc, c'est comme une femme dont on est amoureux, puis un beau jour on réalise que c'est une salope. C'est pareil, brutalement, cette ville vous déçoit. La gitanisation de Perpignan commence pendant le règne des attentistes de Vichy. Là, j'ai appris un truc. En effet, les autorités de la politique demi-fasciste ont forcé ces populations indésirables à se fixer dans cette ville. Avec le recul, on se dit qu'un autre choix vis-à-vis de la question gitane eût été préférable. La ville est infestée de cette population nauséabonde. Aucun quartier n'est épargné. C'est dans cette agglomération que j'ai appris qu'il existait une bourgeoisie gitane. C'est un peu dingue à dire, mais on peut trouver des dentistes ou des avocats gitans. Quand on se penche sur le problème tzigane, on en découvre un second, celui de la gitanisation des populations blanches et pauvres de la ville. Au même titre que l'on retrouve des Ariens à Saint-Denis ou au Havre, persuadés que leurs ancêtres chevauchaient à dos de Méhari dans le désert arabe aux côtés du prophète pédozoophile, on voit à Perpignan des Français se gitaniser, s'exprimant dans cet argot si charmant ou se livrer à des trafics si nobles tels que la ferraille ou la prostitution. Quand on parle de gitans, on doit également parler des trafics qui sont liés à cette population. En premier lieu, le trafic de drogue. Je ne parle pas ici de quelques kilos de résine de cannabis, mais de tonnes de cocaïne et d'héroïne en provenance des ports espagnols tenus par la mafia. Il faut comprendre que les rabouins tiennent la frontière espagnole. Tout trafiquant qui se respecte doit faire affaire avec eux. Les gitans, au QI généralement faible, sont les petites mains de ces réseaux internationaux, mais ils y sont incontournables. En plus d'être dealers, ils sont également consommateurs, ainsi que leurs enfants. Il n'est pas rare de voir un petit rabouin posséder des réflexes de polytoxicomanie. En second lieu, la prostitution, les gitans ne sont pas des mafieux au sens strict, ils n'en ont pas les capacités intellectuelles. En revanche, ils sont forts par leur nombre, ce qui les dote d'une certaine impunité. Ainsi, ces déchets humains n'importent pas des prostituées étrangères comme le font les mafieux juifs ou d'Europe de l'Est. Ils se servent sur les populations locales, particulièrement sur les familles blanches ou maghrébines. En effet, ces merdes profitent souvent de la toxicomanie des parents pour contraindre leurs enfants à la prostitution. Les macro-gitans n'hésitent pas à livrer des gamines de 13 ou 14 ans à des hordes d'ouvriers souvent afro-maghrébins dans les baraquements de chantier sur tout l'arc méditerranéen. Que font les services sociaux et la police? Rien. Pour une raison assez simple, ils sont incompétents ou rongés par la franc-maçonnerie. La gitanisation est flamboyante, c'est-à-dire que la gitanisation provoque la gitanisation. La présence de rabouins empêche l'essor économique de la ville, ce qui provoque l'appauvrissement des blancs et leur assimilation aux gitans, et ainsi de suite. Maintenant, notre auditeur veut nous parler de la maçonnisation. Dans les Pyrénées-Orientales. On ne peut vivre à Perpignan sans avoir affaire aux francs-maçons. Ils sont partout et ne se cachent pas. L'implantation maçonnique ne date pas d'hier et elle fut particulièrement renforcée par l'arrivée massive de frères invisibles en provenance de l'Espagne franquiste. Il faut comprendre que Perpignan est une ville mafieuse. On n'obtient rien par la voie légale. Il faut toujours faire jouer ses relations au sein des loges et des fraternelles. La politique dans cette ville est une vaste mascarade. Il existe une allocation de la mairie surendettée auprès des obèses de la ville qui, comme par hasard, sont pour la majorité des gitans. C'est une politique à peine déguisée d'achat de voix. Je ne reviens pas sur le professeur d'économie à l'université Via Domitia qui a été interné de force pour avoir dénoncé le trafic de diplômes dans cette ville. Oui, trafic de diplômes pour régulariser des Chinois. On en a parlé dans une affaire précédente. On l'a traité comme fou, en fait. En fait, la mafia locale l'a fait cataloguer comme cas psychiatrique pour le faire taire parce qu'il avait dénoncé une magouille chinoise pour donner des titres de séjour à de faux étudiants chinois. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Le pouvoir des francs-maçons est également renforcé par la présence de la caserne Foch et les barbouzes de la DGSE qui s'y trouvent. Il est inutile de dire que l'on ne sait plus qui de la franc-maçonnerie ou des services secrets infiltre l'autre. Méfiez-vous des francs-maçons de Perpignan. S'ils veulent vous faire taire, ils en ont la capacité. Il n'existe aucun avenir économique dans cette ville. La franc-maçonnerie est un moyen pour la classe moyenne blanche d'éviter la gitanisation. Rentrer dans une loge est bien souvent la seule voie de trouver un travail pour soi ou pour sa femme. Souvent dans les services sociaux, ce qui provoque une véritable incompétence de ces derniers. Avez-vous déjà entendu le juif Alliot dénoncer les faits évoqués ? Jamais. N'oubliez pas qu'il y a 20 ou 25 ans, le FN dénonçait les francs-macs et la mafia, et à cette époque, leurs candidats et leurs militants se faisaient flinguer. Il existe véritables nationalistes dans cette ville, mais ils sont rares. Voilà, c'est un long courrier, mais là encore, un vrai courrier. J'aime les témoignages réels, authentiques, de terrain, par des gens qui nous écoutent, qui veulent se faire entendre. J'aime ça, ici, ils auront toujours leur place, on les diffusera. Qui veut réagir parmi nos intervenants ? Ah bah c'est absolument passionnant, hein. Là c'est un témoignage de très haute volée quoi. Je sais pas comment ce type a autant de... Enfin on sait autant, mais il éclaire énormément de mes lanternes là. Parce que je connais très bien cette région, j'avais du mal à m'expliquer par exemple des ronds-points qui sont qui donnent avec un chemin de terre sur la gauche et une impasse sur la droite. Vous voyez, il y a un rond-point. Les ronds-points, c'est des chantiers à plusieurs millions de dollars. Je me questionnais sur l'omniprésence gitane et même la tête des gitans qu'ont les gens là-bas. Les Perpignanais ont des têtes de gitans. Donc j'avais tout un tas de questions auxquelles personne n'avait su me répondre. Moi je croyais juste que c'était un centre où s'étaient installés des gitans un petit peu plus que par ailleurs. Lui il nous explique très bien à quel point la gitanisation est profonde. Et puis je me demandais pourquoi il y a autant d'escrocs, pourquoi rien ne se passe bien dans cette région quoi. Et tout me semblait mafieux. J'ai vécu dans des endroits où un petit peu mafieux, sur des îles un petit peu comme ça, où on a l'impression que tout le monde a une oreillette, que tout le monde se regarde en coin et tout, qu'il y a toujours un espion qui vous espionne de derrière son journal. Et ben les villes là de la côte, Canet-en-Roussillon, Argelès, tout ça, ça m'a toujours dégagé cette ambiance. J'ai l'impression qu'aucun bar n'a été acheté et ça m'a été confirmé à Canet-en-Roussillon par une petite patronne de restaurant qui a été obligée de fermer. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle fermait, elle m'avait signifié que c'était la mafia locale. Mais donc je savais que des choses se passaient mal et ce témoignage a tout éclairé. Je remercie infiniment cet auditeur. Donc région à fuir quoi, Languedoc-Roussillon. Dommage, très très belle région, hein, magnifique en dehors du vent. Bon et puis il y a des gens qui aiment bien le vent, mais en dehors du vent qui assainit, hein, qui fait que ça peut pas être très très pollué. Il y a absolument tout parfait dans cette région quoi. C'est beau, il y a la montagne, il y a le vin pas cher, il y a l'Espagne pas loin, il y a des grandes plages de sable. Tu as remarqué que l'Espagne pas loin, ça a envoyé des Espagnols rouges aussi, Astérix. Ouais. Alors il y a des phénomènes. Moi je connais très bien Perpignan, très très bien. Tout ce secteur je le connais très très bien. J'y étais des années et des années et des années. Et alors en fait j'ai souvent j'y ai repensé comme ça parce que j'ai jamais vraiment. Enfin je discutais comme ça mais j'étais quand même assez jeune. Donc je ne savais pas trop. J'ai pas creusé l'affaire. Mais j'ai souvent remarqué les cris, par exemple, vous avez les fenêtres grandes ouvertes, ça gueule, ça hurle, etc. Mais je me suis jamais, j'étais trop jeune en fait, pour me poser la question. Et parfois j'y repensais, je me disais, mais tain, c'est bizarre, et c'est vrai que les gens étaient quand même vachement basanés, donc je m'étais dit, ce sont des Arabes en fait. Et non, en fait, bien, pourtant finalement, quand on y réfléchit, c'est assez évident. Non, non, ce sont des gitans en fait. Mais je me suis jamais posé la question. Mais c'était des gitans. Alors, par contre, je le souligne, les gitans ne. C'est pas comme les Arabes, ils vous agressent pas au coin de la rue comme ça tout de suite. Enfin, ça peut arriver probablement, mais bon, il n'y avait pas ce phénomène-là. Mais des populations très clairement, avec un autre mode de vie, on va dire. Mais je connais très très bien ce secteur-là, très très bien. Et comme le dit Astérix, très belle région, très belle région. Un climat extraordinaire, des paysages fabuleux, les Pyrénées juste à côté. Enfin, c'est très beau, quoi. Mais Perpignan et son secteur, terrible, terrible. Et alors, par contre, maintenant, le phénomène quand même d'arabisation, hein, qui est en place, voilà, le phénomène mafieux des maires, les politiciens locaux qui jouent une politique clientéliste absolument horrible, la franc-maçonnerie, il a eu extrêmement raison de souligner ce rôle-là. Dans tout ce sud-ouest, ça déborde même sur l'Aude, et ça va même au-delà, etc. C'est incroyable. Toute la côte, hein, j'ai envie de te dire. Hein, bon, Bah, j'ai envie de te dire toute la la côte France, est aussi. mais... Oui, non, non, mais enfin, les côtes particulièrement, là où tu as les touristes et tout, où tu as eu toutes les constructions de cités balnéaires, bon, là, du côté de Ouais. Montpellier, c'est pareil. Hein. Là, tu as eu la grande mode, tout ça. La maçonnerie à fond les ballons. Hein. C'est ça, c'est ça. Donc on a tous ces maçons qui se protègent les uns les autres. Toutes les rédactions de la presse régionale sont absolument tenues par ce cancer maçonnique. Ils s'arrosent les uns les autres, ils baisent les uns avec les autres. Bon, je vous passe tous les détails. Donc c'est dramatique parce que le peuple français se retrouve là, il est démuni parce qu'il n'a aucun représentant. Ni dans la presse, ça va sans dire. Ni dans les représentants politiques, ça va sans dire. Toutes les chambres de commerce sont vérolées. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Donc, oui, je comprends parfaitement que les Français, parce qu'il quand même il en reste dans ce département et dans les régions avoisinantes, sont livrés à eux-mêmes. Hein. Et on reviendra sur Limoux en parlant des gilets jaunes, parce qu'il s'est passé des choses récemment dans la région de Limoux, quoi. Ouais, il y a des points de focale comme ça. Allez savoir pourquoi. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus sur une maladie dont on parle assez peu finalement, le cancer gitan, tzigane. C'est Ah intéressant ben alors. ouais, juste excuse-moi Astérix, mais tu pour nos amis de Perpignan qui voudraient se débarrasser de ce problème-là, ils pourraient invoquer leur anti-vichisme, hein, parce que c'est Vichy qui les a foutus là. Ah mon Dieu, oui, c'est là, il a raison de souligner à quel point Vichy avait la main molle, quoi. Tu vois, c'est vraiment des gens qui. C'est terrible quand même, non? Pétain s'est fait accuser de tous les crimes, mais il n'a jamais été fasciste. C'est quand même ennuyeux quand même, non? Ni raciste, ni véritablement fasciste. C'est bon, C'est un petit dommage, peu, hein? oui. Astérix. Alors, faut préciser comment les gitans se sont incrustés, parce que ce sont, comme il le dit, quand même des QI très bas. Comment ils se sont incrustés comme ça dans le trafic et dans le trafic de drogue, c'est grâce aux dockers. Il y a énormément de gitans chez les dockers, en fait. Et les dockers sont le passage obligatoire pour les gros arrivages de drogue. Et c'est comme ça que les gitans sur toute la côte, là, Montpellier, Perpignan, partout, en fait, ils ont les gros arrivages de drogue directement des cartels, quoi. Donc, en fait, ces analphabètes édentés, d'un seul coup, ont été, via leurs dockers, ont été propulsés. Enfin, maintenant, c'est vrai qu'ils gèrent énormément de ces business-là, quoi. Et donc, ils sont très violents, ils sont surarmés. Ils n'hésitent pas aussi à, comme les Albanais, comme pas mal de peuples mafieux, ils n'hésitent pas à faire travailler les gamins, parce qu'ils savent que les gamins dans nos beaux États démocratiques sont surprotégés. Donc, ils n'hésitent pas à faire travailler les gamins de 11, 12, 13 ans. Parfois plus que chouf, hein. Les choufs dans le langage arabe, c'est ceux qui regardent, quoi, ceux qui surveillent. Mais les gamins peuvent travailler des fois carrément dans le deal, quoi, directement, quoi. Donc c'est vraiment une sale race. Hein. Pour ceux qui les connaissent pas, c'est pas super. Quoi. Ils font souvent l'unanimité contre eux. Moi j'ai une famille qui est plutôt gauchiste, voire même très gauchiste. Bien sûr, les nègres, les juifs, les arabes sont encensés, mais par contre les gitans, c'est pas possible quoi. Ça se voit sur leur visage qu'il y a un taux de consanguinité qui est trop élevé pour qu'on les respecte. Alors, je tiens à rendre un hommage appuyé à Heinrich Himmler pour l'œuvre qu'il a réalisée à propos de la race gitane. On l'oublie trop souvent, même si on essaie de nous faire pleurer sur toutes ces races indésirables. Je veux dire, je rends un hommage appuyé à Heinrich Himmler, martyr des Juifs et, incidemment, des Tziganes. Pas de protestation. Non, c'est bon. Non, pas de protestation, c'est bien. Alors, mes petits amis, rubrique suivante. Rubrique numéro 2, les amis, autisme radical. Alors, je vous le livre. Le verdict est tombé mercredi 21 novembre 2018 dans le procès en cour d'assises d'un jeune homme de 21 ans qui était accusé du viol et de l'agression sexuelle de deux lycéennes de Saint-Lô dans la Manche. Fin 2015, l'avocat général avait requis 6 ans de réclusion criminelle. Je précise. Il s'était précisé dans la presse locale qu'il s'agit, quand il parle d'un jeune homme de 21 ans, d'un ressortissant du Bangladesh, pays musulman, vers lequel les Rohingyas, hein, si vous ne les connaissez pas, ont été expulsés récemment depuis la Birmanie, hein, parce que c'est la même population. Hein, comme ça, si jamais votre cœur saignait un petit peu pour les Rohingyas persécutés, voilà. Leurs cousins font parler d'eux en Normandie. Alors, le mis en cause est accusé du viol. Mais condamné pour l'agression sexuelle de la première victime à 2 ans de prison avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve. On va le mettre à l'épreuve. On va lui mettre des nanas devant lui pour voir s'il va les violer, je sais pas. Je me pose la question. Il sera inscrit au fichier des délinquants sexuels, ça nous rassure, et il est donc ressorti libre du palais de justice de Coutances, j'en suis fort aise. L'avocate de la défense, précisons hein, les responsabilités, l'avocate de la défense a plaidé les difficultés d'interprétation qui, selon elle, sont le fil conducteur de cette affaire. On comprenait rien, en fait. C'est la langue. C'est à l'origine du problème. Difficultés d'interprétation de la part de son client qui, je cite l'avocate, n'avait pas les codes culturels pour prendre conscience qu'il imposait une relation par crainte ou par surprise. Pourtant, il devait connaître l'intégralité des œuvres de Victor Hugo par cœur, je comprends pas. Ouais, je sais pas, en birman. Ouais. Je sais même pas quelle langue il parle. Difficulté d'interprétation de la part de la victime, la victime aussi, qui a pu prendre un regard comme une menace et donc une contrainte. Oui, c'est ça, d'accord. Donc, oui, difficulté d'interprétation des enquêteurs, enfin, qui n'ont pas su mesurer le désarroi de la victime. Après l'énoncé du verdict, le président a pris soin quand même de préciser que la décision de la cour n'est pas une remise en cause de la sincérité de la plaignante. La cour a estimé que l'accusé n'avait pas conscience d'imposer un rapport sexuel. Alors là, sur ces entrefaites, moi je m'abstiens de toute réaction. Voilà. Et est-ce que la victime du viol s'est excusée pour avoir une relation non consentie du coup ? Non, malheureusement, il y avait un problème d'interprétation. Ah. C'est la phase suivante, quoi. Les Blancs qui devront s'excuser au nom de la colonisation en Afrique, que des mecs du Bangladesh viennent les violer. Ça c'est logique, hein. On va y arriver. C'est une juge ou c'est un juge qui a... Un juge, d'accord. Ouais, bon. Je sais pas, j'ai pas vu les féministes, là, ce qu'elles racontent. Rien. Voyant cela, je pense qu'elle bug. Du coup. C'est le genre de truc, tu sais, où il y a deux informations contradictoires qui ne sont pas mesurées. Les trottoirs, pas dans le système, ça, c'est mis hors jeu, quoi, de suite. Notez bien comment c'est présent. Enfin, comment l'affaire est présentée. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'effet objectif, viol ou pas viol. Et en fait, la défense, donc l'avocate en question, commence à vous parler d'interprétation. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut faire entrer dans la prise. Enfin, dans le mécanisme de décision du tribunal, la subjectivité, c'est-à-dire le point de vue. Donc elle dit, le violeur, il a son point de vue et il n'avait pas vraiment le sentiment de violer. Bon. La victime, elle a son point de vue, elle avait l'impression d'être violée. Puis il y avait les enquêteurs, eux, ils avaient leur point de vue, et ils ont peut-être eu un préjugé sur les uns et les autres, donc ça pose problème. Donc en fait, on ne sait jamais trop vraiment, parce que ce ne sont vraiment que des points de vue qui se confondent les uns les autres, donc dans le doute, hein, comme il y a quand même des incompréhensions culturelles, interculturelles, ben, il faut libérer le prévenu, quoi, hein, voilà. Donc, en fait, vous laissez ce virus gauchiste rentrer partout, et dans la magistrature, c'est absolument généralisé, c'est un cancer. Moi, j'ai toujours, nous affrontons des métastases, hein, c'est un cancer généralisé, on en connaît l'origine, mais ce sont des métastases. Ça ne se traite qu'à coup de chimio, de rayons, de chirurgie, on est bien d'accord. Bon. Donc, c'est, voilà. Donc on vous amène sur des discussions qui n'ont ni queue ni tête de savoir si l'autre machin qui sort du Bangladesh, il parle dans telle langue, pas telle autre, le truc. Ça te rappelle pas des discussions de gens ça me rappelle, qui, oui. Hein, qui, oui. Est-ce que je dois manger des céréales le samedi soir du premier mois ou pas? Voilà, ça rappelle beaucoup les échanges intellectuels entre rabbins. Hein. C'est... Ah oui, oui, oui. C'est la sémitisation. C'est la sémitisation, bon, de la France en général, des institutions françaises également, mais bien évidemment en particulier de la justice. C'est que maintenant, on a des discussions de nature sémitique pour savoir si à tel jour, avec tel, voilà, est-ce que la lune peut-être était pleine, pas pleine, combien de jours, machin truc, et puis est-ce que la femme, est... voilà, on en arrive là, bon. Qui veut réagir? Ben, moi, je voudrais simplement faire remarquer que c'est dans la logique des choses, parce que le type, le Bangladais, c'est probablement un clandestin, initialement du moins. Le type est entré en France sans frapper, d'accord? Et pour le viol, ben, il est entré sans frapper. Voilà. Donc, voilà quoi, l'avocate s'est basée là-dessus. C'est dans la logique des choses, dans la continuité des choses. Oui, c'est ça, c'est en fait, bien sûr, évidemment. Et alors, par contre, bon, le magistrat a quand même eu il a quand même eu l'audace de dire ça à la plaignante en face, quoi. Il a dit, voilà, nous ne doutons pas de votre sincérité. C'est-à-dire que le type a accepté le point de vue de cette espèce d'avocate dégueulasse qui a raconté ça, de dire, voilà, finalement, on ne sait pas trop. Donc. Le gauchisme, c'est ça, hein, faut bien comprendre, hein, ce cancer gauchiste destructeur part du principe qu'un point de vue, une réalité. Alors qu'un tel se considère comme un homme, alors que c'est une femme biologiquement, bah, c'est un homme. Bah, c'est une confrontation, c'est une question de point de vue. Donc vous allez avoir des violeurs qui vont violer et ils vont dire, bah non, dans ma culture, c'est pas un viol, c'est une relation amoureuse. Librement consenti, simplement n'était pas au courant. Comme disait Coluche, et je suis désolé, mais on arrive au niveau de Coluche. Hein. Coluche disait, c'est pas un viol, comment dirais-je, un viol, c'est moi, quand on veut pas, moi, ouais, c'est quand un viol, c'est quand on veut pas, moi je voulais. Bah, c'est un sketch de Coluche. Aujourd'hui, c'est la jurisprudence française en termes de viol, oui, dans les tribunaux. Alors oui, enfin. Ah oui. Ça aurait été. Quelqu'un de normal, c'est-à-dire un être humain normalement constitué, européen et blanc, oui. Je pense qu'il n'y aurait pas eu cette dispute talmudique. Hein, la chose était plus rapidement réglée. Non, et pourquoi il y a tout ce fatras, fatras de discussion qui ne mène à rien? Parce que, bien entendu, nous avons affaire à un métèque. Et le métèque, par définition, est un type sympa. Donc c'est un type sympa. Tu as une victime, il y a les victimes, mais le mec quand même il est sympa. Et parce que c'est le mec vient du Bangladesh. En plus le Bangladesh sur l'échelle des trous à rats, c'est quand même bien placé quoi. C'est dans le top 5. Hein. Alors en fait ce que tu dis c'est très simple, c'est le nouveau fonctionnement de la justice française entre guillemets, c'est qu'en fait on ne juge plus les faits, on juge ceux qui sont censés les avoir commis, c'est-à-dire qu'on juge l'identité des gens qui l'ont commise. Ouais. Donc les faits n'ont plus aucun rapport, c'est qui est qui. Donc si vous êtes un blanc, vous êtes coupable, si vous êtes un métèque, vous êtes innocent, c'est très simple. Et il faut mettre ça en corrélation, évidemment, avec l'identité de la victime. C'est-à-dire que si vous êtes un blanc qui nuisait à un halogène, vous êtes extrêmement coupable. Si vous êtes un halogène qui nuisait à un blanc, vous n'êtes pas du tout coupable, etc., etc., etc. Et en fait, cette sémitisation accentuée de la justice française, donc en fait, c'est le bon terme, hein, sémitisation, aboutit à ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'il y a eu viol, c'est de savoir qui a violé qui, et est-ce que c'est opportun de condamner. Et là, ils disent, c'est un métèque du Bangladesh, donc a priori, ce n'est pas opportun de le condamner, donc on va trouver un artifice pour faire passer la pilule, on va dire, oui, mais vous comprenez, les codes culturels, machin, ça. Donc voilà, donc on change complètement de nature de droit, c'est vraiment, en fait, c'est un droit tribaliste, raciste, si vous voulez, mais en négatif, parce que ça ne profite jamais aux Blancs, on s'entend. C'est-à-dire que le droit positif ne s'applique qu'aux Blancs. Le droit tribal ne s'applique qu'au métèque. Hein, n'allez pas croire que parce que vous êtes blanc, vous allez pouvoir en retirer un profit. Non, l'objectivité, la dureté, etc. ne s'applique qu'aux blancs. Voilà. Donc, bon, ces magistrats, on en pense bien évidemment le plus grand bien. Qui d'autre là-dessus? On a retourné le délit de faciès comme une peau de lapin. C'est ça. Et du coup, vu qu'il y a quand même eu cette condamnation-là, on admet que le pays d'où il vient, c'est un trois rats. Est-ce que c'est pas... Moi, je serais l'ambassade du Bangladesh. Si je voulais troller un petit peu, je porterais plainte pour racisme. Bah en fait, oui, en plus, il y a un aveu là-dessus. On dit qu'il n'a pas les codes culturels, que ça veut dire que quand on est en islam, le viol est autorisé. Donc c'est l'islam véhiculerait une culture du viol. Je sais pas, il y a beaucoup sous-entendu là-dessus, vous voyez. Non, mais on est tous égaux, tu vois. Donc les pays... tu peux pas dire que non, mais le type vient d'un pays de merde. Quand Trump avait parlé des shithole country, ça avait fait tout un pataquès dans le monde entier. On vient pas. C'est pas un shithole country. Regarde, on a la richesse, etc. On crée de l'art, on fait du tam tam, c'est super. Ouais, non, ça marche pas comme ça. La justice française pour faire en sorte qu'un métèque reste en liberté après avoir violé une blanche, ils admettent que il y a des pays de merde, quoi. Il y a des pays de merde. C'est bien. En fait, ça s'est complètement institué en Angleterre. Hein. Il suffit de voir les réseaux de prostitution tenus principalement par des Pakistanais qui sont des voisins au Bangladesh. Hein. Qui sont répandus un peu partout. Et bon, on en est là. Ils ont fini par en arrêter parce que bon, ça devenait difficile à avaler en Angleterre. Mais rien ne dit que ça s'est arrêté. Hein. Mais c'était un petit peu le même principe finalement. Alors moi, je veux dire un truc, c'est que on est quand même dans une France républicaine entre guillemets où on nous parle matin, midi et soir de laïcité. C'est-à-dire, vous allumez les médias, laïcité. Vous écoutez un politicien, laïcité. On vous dit oui, oh là là, mais il faut lutter contre. Bon, puis en fait, quand vous regardez au quotidien comment ça fonctionne, vous rendez compte que non, pas du tout. C'est la prime au bougnoul avec sa religion à la con, enfin ce qui lui sert de religion, et on lui passe tout avec ça, quoi. C'est-à-dire qu'il sort sa carte islam. Ah oui, d'accord, excusez-moi, circuler, autant pour moi, quoi. Je m'excuse, quoi. Et en fait, c'est entre le fossé entre le discours officiel de tous ces hypocrites de politicards et ce que vivent véritablement les gens, et même dans des cas aussi extrêmes que celui-là, y a un fossé béant. Et en fait, ils essayent, et c'est très sémitique en fait comme procédé, ils essayent de concilier des grands principes autoproclamés et la réalité sinistre de leur population. Et donc on vous dit, on lutte contre le viol. On lutte contre l'islam, enfin contre l'obscurantisme religieux, contre les excès de la religion islamique, etc. Puis au quotidien, mais il a le droit de violer puisqu'il est musulman. Parce que c'est la décision des tribunaux en question à Saint-Lô, à Coutances, ils ont dit il a le droit de violer, les musulmans. C'est ça que ça veut dire. Ou alors on parle pas français, hein, c'est un permis de violer. Ce pouilleux du Bangladesh a reçu un permis de violer en bonne et due forme de la part des magistrats qui l'ont dit oui, bien sûr, évidemment, votre perspective est différente, on n'a pas les mêmes mœurs, etc. Bon, une société qui fonctionne comme ça, si vous voulez, n'en a plus pour très très longtemps. faut pas se mentir, hein. Vous pouvez pas bâtir quelque chose dans la durée là-dessus. Hein. Ça va amener, là, évidemment, je crois même que... Est-ce que c'est fait par idéologie? Probablement. Par lassitude? Probablement. Mais ce qui est sûr, c'est que la conséquence à moyen terme, c'est la destruction complète de l'appareil judiciaire. Parce que vous ne pourrez pas faire avaler ad vitam aeternam à des blancs que leurs gamines de 13-14 ans peuvent se faire violer par des métèques comme ça. Parce que quand même, l'islam, c'est bien, c'est les droits de l'homme. Et puis quand vous roulez un peu trop vite sur la route, c'est plein pot, et si vous mouftez, comparution immédiate. Ça peut durer quelques années, ça peut pas durer des décennies, et certainement pas, ça ne peut certainement pas être le préalable au fonctionnement durable d'une société stable. Impossible. Bah, ça, bon, on va en reparler peut-être tout à l'heure, mais les journalistes en ce moment prennent beaucoup sur la gueule avec les gilets jaunes. À voir comment ça se tient, enfin comment ça évolue. Mais est-ce qu'il va pas y avoir des poursuites judiciaires de gens qui sont là-dedans, qui vont se faire matraquer par les juges, quoi. Je pense que les juges sont bien partis pour eux aussi être aussi aimés que les journalistes. Je crois. Je crois. Quelqu'un d'autre sur donc le permis de violer pour les musulmans en France, décidé par les tribunaux français en Normandie? Alors juste un tout petit mot, s'il y a des gens qui hallucinent un peu et qui pensent que nous exagérons, cet article a été repris sur Le Figaro, Valeurs Actuelles, Le Monde, même Mediapart. C'est pas des trucs d'extrême droite qu'on spie, hein. C'est la France 2018. C'était tout. Ouais, et on n'a pas entendu les féministes. C'est bizarre. Elles manifestaient ce week-end. Sur des trottoirs assez larges. Donc c'est bon, elles étaient en sécurité. Non mais c'est génial. C'est-à-dire que de toute façon, moi je vous le dis, hein, dans quelques années, être féministe, de toute façon, ça reviendra à de l'islamophobie. Donc ça va vite être réglé, cette affaire-là. C'est féministe, oui, si tu veux, quelque part là-bas, dans une ville de 10 000 habitants, au fin fond de l'Auvergne, si ça t'intéresse. Mais dans les grandes villes, non. Voilà. Féminisme, islamophobie, racisme, final. Point barre. Et... En fait, je réagis vite fait, Gandalf, à ce que tu disais, à savoir qu'aucune société stable ne pouvait être fondée sur un tel fonctionnement. En fait, les juifs ignorent une chose, c'est-à-dire leur idéologie a pris sur la bonté du goy européen. Leur idéologie multiculturaliste, d'accueil de l'autre, blablabla. Bla bla. Mais l'Européen a également un sens aigu de la justice. Autant ils ont visé juste en nous imposant des immigrés au nom d'une bonté qui nous ont très très bien vendu avec toute la maîtrise de l'imagerie et du contrôle de masse qu'ils ont. Autant là, je pense qu'ils font des grosses erreurs en poussant les injustices aussi loin, parce que le goy européen, quand face à l'injustice, il peut rapidement avoir le feu au ventre, quoi. Et faut qu'ils révisent leur stratégie, parce qu'en poussant aussi loin, c'est évident que, comme tu le dis, les réactions vont se faire. Vont se faire très rapidement, quoi. Ça va pas. L'injustice est le truc qui prendra le moins en Europe. Alors qu'ils essayent même pas des stratégies pareilles en Europe du Nord et tout, là, ça. Chez eux, le sens de la justice est encore plus aiguisé que chez nous, qui sommes un petit peu plus déjà latins, méditerranéens, un petit peu plus, comment dire, magouilleurs, quoi. Mais ouais, mais on va voir. Quand on voit ce qui se passe en Suède, hein, l'Europe du Nord, j'y crois pas vraiment non plus. Hein. Encore repéré, c'est parce que les Suédois croient encore faire le bien, en fait, pour les. Ils n'ont pas encore repéré qu'ils se la faisaient mettre, quoi. Ils sont complètement cons, par contre, ça je suis d'accord avec toi. Et puis bon, la Suède, c'est encore un autre problème, parce qu'ils sont efféminés. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que les injustices là dont on vient de parler sont tellement énormes que ces injustices-là vont faire réagir les Européens. Et j'ai fait une distinction entre les Français et les Nordiques, mais il n'y a même pas à en faire, en fait. Ça va faire réagir tous les Européens, du Portugal à la Suède. Les Européens ne laisseront pas passer des injustices comme ça quand ils en prendront conscience. Par contre, pour qu'ils en prennent conscience, il faut que des médias comme le nôtre puissent accéder à l'oreille des gens, parce que les masses médias vont complètement occulter tout ça, quoi. Donc c'est tout le défi des prochaines années, en fait. Mais à partir du moment où des médias comme les nôtres arrivent à survivre, que l'information accède aux oreilles de nos contemporains, c'est bon, quoi. Là ça va trop loin, les juifs poussent trop, quoi. Ils se reposent sur leur laurier, ils croient que le pouvoir est acquis et ils font n'importe quoi, ils cumulent les erreurs. Comme le disait Gandalf sur la communication de Macron, c'est erreur sur erreur sur erreur, quoi. C'est un fiasco, quoi. C'est une descente aux enfers. Moi j'ai même envie de dire, les Européens se révolteront du fin fond de l'Afrique jusqu'au Groenland, parce que ne pas oublier, nous sommes tous des Français, tous des Européens. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, rien, je suis en train de troller sur le fait que les gauchistes n'arrivent pas à comprendre un truc très simple, en fait, c'est ne serait-ce que l'identité biologique des peuples, en fait. Ah oui, non, ça, ils comprennent. Non, mais ça, ils comprennent. Enfin, si, ils aiment bien les tribus paumées en Amazonie, ils aiment bien ça. Non, il faut pas toucher. Par contre, ouais, les blancs peuvent être complètement remplacés par des nègres qui font du tam-tam, hein, foutu de faire autre chose à part baiser et se camer. C'est normal, c'est bien, c'est cool, il en faut plus, quoi. Bah, c'est mérité en même temps. Parce que tu comprends, on est quand même des salauds. On a quand même tué 6 millions de juifs, on a quand même commis l'esclavage, on existe, quoi. Tu vois, exister, respirer, c'est déjà trop, quoi. Bah oui, il y a vite, toujours le risque. Voilà, c'est ça, quoi. Vite, le génocide par immigration de masse et métissage, vite. Vite mourons, n'hésitez pas à vous balancer du haut d'un pont, amis gauchistes, ça vous nous fera gagner du temps. Soyons efficients. Une plage, une file d'immigrés. Je voyais sur leur visage de grands sourires s'étirer. Je voyais dans ses peaux brunes un avenir métissé. matin. Viens nous succéder. Allez, viens. Viens. Viens. Viens nous remplacer. Chers amis, nous revoici pour cette deuxième partie d'émission où nous allons parler des Gilets jaunes, le mouvement, notre mouvement, c'est notre mouvement à nous, c'est à personne d'autre, ça appartient à aucune multinationale, aucune grande marque, etc. C'est populaire, c'est nos gens à nous. Voilà, on y participe, on en fait partie, et si on n'en fait pas partie physiquement, on en fait partie spirituellement, dirais-je. Alors... D'abord, on va développer tout au long de cette deuxième partie, mais d'abord, première chose, bon, le pic, hein, c'est la mobilisation de samedi, une semaine après celle du 17 novembre. On a eu un Castaner, donc qui est ministre actuellement de l'Intérieur, en remplacement de... Comment s'appelle la momie ? Gilles Colomb ? Ouais, la momie de Lyon. La momie de Lyon, candidat à sa succession aussi à Lyon, qui nous dit, alors, 106 301 manifestants. C'est précis, hein, quand même. Hein, 106 301 manifestants. J'ai une autre source, parmi d'autres, hein, France Police, syndicat indépendant, qui a été cité, qui évoque 750 000 avec une autre méthode de comptage. Je vous invite à vous rendre sur le site de ce syndicat indépendant. Alors, on peut discuter. Je crois qu'on peut discuter sur les chiffres. J'ai envie de parler un peu quand même de la mobilisation, parce que quand on parle d'un mouvement, on parle d'abord et avant tout de mobilisation. Enfin, quand Castaner nous dit, oui, alors de 23 000 au départ, hein, mi-journée, 23 000 quand même. Oui, 88 000. En fait, 106 000, c'est en net décrue, etc. Alors, je veux bien croire qu'il y a une baisse. D'ailleurs, je crois que le site de France Police explique qu'il y a une baisse d'environ un quart, 25%, qui a pu être gênée par les différents heurts qui ont eu lieu sur les blocages. Bon, il dit quand même, enfin, le site dit, bon, il y a quand même une forte mobilisation. Bon, je ne sais pas si c'est 750 000, ça peut être peut-être, je sais pas, 300 000. Bon, en tout cas, plusieurs centaines de milliers, ça c'est acquis. Le pouvoir dit 106 301, je veux votre réaction. Personne ? Non, tu veux dire au niveau du nombre seulement ou... Oui, voilà, c'est-à-dire voilà, l'attitude du pouvoir par rapport à la mobilisation, c'est-à-dire que... Ah, ouais, les chiffres, bah, c'est vrai que bon, habituellement on a droit au top. À la blague, tu vois, entre la CGT et la police. Oui. Bon, non, mais là, il y a que les flics. Donc, c'est une blague encore plus drôle. Hein. Donc, on a des chiffres encore plus fantaisistes. 106 301. Oui, 301. J'ai bien aimé le 1. Hein. Il y en avait 3, mais non, mais en fait, ils n'ont pas pu venir. Et les autres, on était à 105, mais non. Bon. C'est... Non mais ça compte, je veux dire oui, parce que les gens évidemment se disent il y a combien de gens dans la rue, est-ce que c'est vraiment un mouvement de masse, est-ce que c'est rien. Alors, et en fait tu te dis bon, il y a quelques centaines de milliers de personnes certainement, et là t'as le ministère et non, c'est 106 301. Alors moi ce que j'ai bien aimé c'est que la première semaine il n'y avait personne, et donc ce week-end hein, avec la montée sur Paris, ben, il y avait encore moins de monde, donc moins que personne. C'est intéressant. Comment dire ? Toujours sur la mobilisation, on peut peut-être s'arrêter sur ce point précis, de souligner que c'est le mouvement des Gilets jaunes est un... Parce que, Captain me l'a mentionné, parce qu'il me dit dans sa ville, on ne va pas la citer, mais il me dit, j'ai été dans ma ville et je n'ai pas vu beaucoup de monde. C'est une très grande ville. Hein. Paris, il y a eu quelques... Je sais pas combien de milliers de personnes se sont déplacées à Paris, mais... Il faut souligner un point, c'est que c'est un mouvement qui est vraiment dans des départements ruraux ou des zones périurbaines. Ouais, pas forcément. Hein. Moi, c'est pas très franchement périurbain, mais il y a eu du monde, voilà. Que ce soit la semaine dernière et cette semaine. On a eu pas mal de monde. D'ailleurs, c'était assez marrant de voir que les types bloquaient les routes la première fois. Bon, c'était assez bon enfant. Et tu avais des... Sauf qu'il y avait des, comment ça s'appelle, des Arabes qui essayaient de passer. qui essayaient de passer. Il y a une voiture, j'ai vu une bagnole de beurette juste devant la mienne. Qui a essayé de forcer le passage et mais du coup ils l'ont pas filtré, ils l'ont carrément arrêté quoi. Ils ont secoué les beurettes dans la bagnole, ils ont secoué la bagnole. C'était magnifique à voir. Alors, déjà la semaine dernière j'étais vraiment voilà, super. Un peu fort, dangereux ça de secouer le beurre, hein, ça le fait fondre. Hein. Ouais. Bah... Et donc ils bloquaient les trucs. Là c'était. Voilà, cette semaine-ci, par contre, ils ont, au lieu de bloquer, ils ont fait opération péage gratuit, ce qui est encore mieux pour se rendre sympathique. Ils ont pris les barrières de péage à coups de disque, apparemment. Hein, donc, c'est radical. Et les radars aussi. Hein. Voilà. Oui, voilà. J'ai vu sur Marseille, tu avais un mec qui est arrivé. Je sais pas si vous voyez les nouveaux radars là qu'ils mettent pour le. Comment ça s'appelle les radars feux rouges. Hein, tu sais, si tu as le orange, si tu t'arrêtes pas 10 cm où il faut, bon, ben voilà, pof, 3 points de moins sur le permis. Du racket, hein, voilà, précisons-le. Hein. Donc, il y a un artiste qui est arrivé à prendre un conteneur et qui l'a jeté de telle manière que le truc retombe sur le radar qui est en hauteur. Donc, nos gilets jaunes ont du talent, il faut le dire. Enfin, de la créativité. Alors, non, mais je dis ça parce que la mobilisation, quand ils sortent les chiffres, c'est important psychologiquement, évidemment, ils le savent, c'est bon, c'est pas un scoop. Mais de voir. Pourquoi j'ai insisté sur le côté périurbain, rural, c'est parce qu'on voit des communes pas très peuplées, où t'as tout d'un coup 500 personnes dans la rue, quoi. Et là, tu dis, putain, quand tu vois 5% de la population dans la rue, tu dis, il y a un truc qui se passe quand même, quoi. Et après, tu vois à la télévision, tu dis, non, il n'y a pas trop de mobilisation, voilà. Donc, moi, je vous dis, quand vous voyez des gens en Bretagne, en Normandie, en Alsace, en Provence et ailleurs se mobiliser, vous dites, il y a forcément un mouvement. Les mecs se passent pas le mot. Ils se passent pas le mot. Hein, ils sont pas au téléphone en train de s'entretenir les uns les autres des dernières actualités. Donc, si ça surgit comme ça, il y a des gens. Et de voir Castaner nous expliquer, oh, ils sont 100 000, machin. Bon, ça c'est juste sur la mobilisation, mais les chiffres sont truqués. Les chiffres sont truqués, bon, c'est j'allais dire, c'est presque de bonne guerre, mais ils sont certainement pas 100 000. Et je pense qu'on peut facilement évaluer à 200, 300 000 le nombre de personnes présentes ce week-end, quoi. Mais là, vraiment, fourchette basse, hein, fourchette basse, quoi. Je suis très, très, très coulant. Hein. Bon. Comment dire ? Deuxième point, la désinformation. Ça, c'est je crois que c'est un des gros, gros points de ce mouvement, de notre mouvement, c'est à quel point la désinformation médiatique est tapageuse, quoi. C'est outrancier. Les grands médias prennent parti. Alors, vous savez, ça me rappelle un peu, je vais faire une analogie, hein. Ça me rappelle un peu l'entre-deux tours en 2002 contre Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que on charge, quoi. Là, on y va. Il n'y a plus de pseudo-neutralité. On y va. Il y a un exemple qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, qui a été bien exposé, c'est suite aux éclats de violence sur les Champs-Élysées, le lendemain, dimanche, donc aujourd'hui, puisqu'on enregistre l'émission aujourd'hui, où on a le gars de BFM TV, au petit matin, qui est sur les Champs-Élysées, qui dit « C'est horrible, la plus belle avenue du monde a été détruite, saccagée par des casseurs d'ultra-droite, d'ultra-gauche, bref. Bon. Et il montre, il dit, sur 100 mètres, les pavés ont été déchaussés par ces brigands qui les ont lancés sur les forces de l'ordre. D'accord ? Bon. Et effectivement, on voit toute une bande, hein, sur l'avenue des Champs-Élysées, quoi, effectivement une centaine de mètres, où il n'y a plus de pavés, quoi. Et les types te disent que voilà, ils ont vraiment pris cette couche de pavé pour la balancer sur la gueule des policiers. Sauf qu'en fait, non. C'est les travaux d'Hidalgo pour foutre des vélos sur les Champs-Élysées, parce que vous allez avoir des vélos sur les Champs-Élysées maintenant, si vous ne le saviez pas, quoi. Et donc, ils étaient simplement en train de préparer la chaussée pour les bicleux, quoi, pour les vélos, quoi. Et là, c'était un cas manifeste de désinformation. Voilà. Ils ont dit, voilà, les gilets jaunes ont commencé à détruire les Champs-Élysées, et c'était fou. Alors, bien évidemment, il y a comme ça quantité d'exemples, mais je vous donne la parole à vous, quoi. Quand vous regardez BFM TV en continu, quand vous regardez LCI en continu, je sais que Gilbert Collard, bon, pas vraiment notre côté, hein, Gilbert Collard, mais il s'est fait couper le sifflet par toute la clique, d'autres personnes aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Enfin, le traitement médiatique, disons, le traitement médiatique de la désinformation. Ouais, déjà, tu as commencé par les chiffres, bon, on va pas y revenir, hein, c'est vrai que ces gens-là se foutent de notre gueule. Disons que j'ai du mal à entendre la vérité de la bouche de Castaner, hein. Depuis qu'il a, cette semaine, il a dit qu'il a été attaqué, hein. Il a dit qu'il était attaqué par les gilets jaunes, pour pouvoir faire le buzz et tout. Attaqué comment ça? Attaqué par des selfies. Voilà, il était attaqué à coups de lumière. C'est-à-dire que des gens, pour troller, ils sont allés devant son domicile prendre des selfies et rigoler. Et lui, il a fait tout un foin, ouais, j'ai été attaqué. Et il a fait sa petite chialeuse, on aurait dit, tu sais, un juif du sentier, qui crie à l'antisémitisme parce que tu regardes un sketch de Dieudo ou un truc comme ça, quoi. Pardon, Gandalf, tu allais dire quelque chose? Non. Lui qui pourtant s'encanaille avec tous les voyous marseillais et tout le banditisme français, bah, dis donc. S'il savait qu'il a une petite paire de raisins secs à la place des couilles, je sais pas si les mecs du milieu lui accorderaient leur confiance. Hein. Bah là, il est ministre de la police, donc ils doivent lui accorder beaucoup leur confiance. D'ailleurs, entre nous soit dit, chers amis, imaginez ce qui se passe en coulisses avec un mec de la... Enfin, lié à la pègre marseillaise, à la tête de la police française, je n'ose même pas y penser. Bah, c'est très simple, hein. Les salles de jeu parisiennes, le pognon doit couler à flot. Hein. Voilà, c'est bon. Bip, boup, boup, boup. Et on... Ah là là. Il nous a fait le coup aussi, mais c'est vraiment. C'est un con, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Il nous a fait le coup du. Non, là, les gars, vous ne pouvez pas manifester, vous vous rendez compte, il y a des menaces d'actes terroristes. Tu vois, l'excuse Daesh, tu vois, qui sort comme ça du chapeau, le Joker. Donc, du coup, c'est trop dangereux. Alors qu'il y avait une manif en même temps, d'ailleurs, des féministes. À Paris. Là, par contre, Daesh ne ciblait pas ça. Hein. Daesh ne cible que les gilets jaunes, c'est bien entendu. Je trouve... Alors, c'est vrai qu'au moins, tu vois, dans Mitterrand, il y avait de la roublardise, mais c'était quand même... il y avait de l'épaisseur, disait Soral, tu vois. Mais là, dans Darmanin, je veux dire, plus on descend, en fait, dans la Ve République, plus on perd en qualité, parce que là, ça se voit, c'est un peu trop gros, les mensonges. Hein. Surtout les mensonges sur l'extrême droite, l'ultra-droite, pardon, parce que c'est les gens qui sont à l'extrême droite de l'extrême droite. Voilà. Bientôt, la méga-droite, la giga-droite. Ultra, ça veut dire au-delà d'eux. Ouais. La supra-droite, voilà. La turbo-ultra-droite. Donc c'est un peu gros comme mensonge, parce que ça se voit, il y a des types qui se revendiquaient ouvertement de l'extrême gauche, des types qui étaient apolitiques et tout, ça se voit que c'est un mouvement qui brasse en fait tout le monde. Et non, récupération, parce que l'extrême droite, voilà, bien sûr, tout le monde déteste, et c'est des casseurs. Quoi. Non mais voilà, mais dans sa logique. Comme oui, tu y vas. Oui. Non, c'est-à-dire que dans le prisme médiatique, et... Effectivement, dans la narration, c'est facile à vendre de dire ah, les nazis en gros. Hein. Mais voilà, je suis pas du tout sûr que dans l'œil du public, ça soit vraiment un disqualifiant arrivé à ce stade. Hein. De toute façon, c'est là et ces gens sont déconnectés. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir et ils ont une sorte de prisme mental qui fait qu'ils sont conditionnés à dire ce genre d'annerie parce qu'ils pensent très sincèrement que ça va que c'est gagnant. Ah non, ils se plantent complètement. Non, alors... Là, je t'arrête. Sur Castaner, ainsi sur l'ultra-droite, on voit la manœuvre. C'est-à-dire que ultra-droite, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ultra-droite, au-delà de la droite, c'est quoi au-delà de la droite vers quoi on m'amène je ne sais pas, parce qu'on parle de géographie, là, c'est spatial. La droite, je situe, oui, ma droite, je la situe. Au-delà de la droite, je ne sais pas. C'est des mots comme ça qui ne renvoient vers rien. Donc je me méfie toujours de ce genre de termes. Et ensuite, Ce qui est certain, c'est qu'en fait, ils veulent surtout le mot droite dans le truc. Et donc, on voit les calculs derrière boutique des spin doctors de Macron, c'est-à-dire des stratèges juifs de Macron, qui lui disent, écoute, là, l'enjeu, c'est 2019, les européennes. Parce que c'est ça, en fait, il faut le, comme on dit, le momentum, quoi. Il faut avoir le bon rythme pour ensuite te propulser vers la présidentielle, et tu peux pas te permettre, en tout cas, ça serait très difficile pour toi de te prendre un gros gadin aux élections européennes, quoi. Donc, il te faut un ennemi, il te faut un ennemi qui fasse l'unanimité contre lui, et c'est l'ultra-droite. Alors, l'ultra, c'est bien, c'est comme je dis, ça renvoie à rien, donc on sait pas exactement ce que c'est. Et Castaner a lourdement insisté là-dessus, étant entendu que, par ailleurs, Macron a posé l'élection européenne comme étant un duel, une confrontation entre les populistes d'un côté et les progressistes de l'autre. Macron, les cosmopolites. Voilà, se posant comme le champion des progressistes. Voilà. Et il ne dit pas gauche, hein, notez bien, il ne se pose pas à la tête, il ne s'érige pas comme le leader de la gauche européenne, il dit « je suis à la tête des progressistes ». Alors là encore, le progrès, progrès sur quoi, comment, progrès... je pose la question, c'est le progrès sur quoi le nombre de nègres va-t-il progresser? Oui, je suis assez convaincu que oui. Le niveau de vie, je suis un petit peu moins certain. Vous voyez, donc le progrès selon Macron, il n'y a qu'à voir l'évolution de la composition de son gouvernement. Le progrès, c'est... Ben c'est des fiottes, c'est des juifs et c'est des négresses. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, des termes très flous, mais il a essayé de créer une narration et il s'appuie sur les événements en cours. Donc c'est pour ça, c'est ce qui explique, commandant cher Pierrot, selon moi, hein, c'est pas une parole d'évangile, mais je l'interprète comme ça, disons, le fait qu'ils évacuent totalement le fait qu'il y avait des anarchistes, qu'il y avait des membres de l'extrême gauche, mais qu'il y avait aussi des gens de nos milieux. Hein. Mais ils évacuent tous ces gens-là en disant voilà, non, c'est un duel, voilà, entre nous, l'extrême droite, non, voilà. Je pense que c'est le calcul, mais c'est gros. C'est gros, et je suis pas certain que ça satisfasse grand monde, en fait. Sauf. Par contre, là, je vais être un petit peu vicieux, excusez-moi. C'est quand même... Parce que s'il pose le débat en ces termes, et en ce sens-là, il est très stupide, ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas avec Macron sont ultra-droite. Ça fait beaucoup de monde, quand même. Hein. C'est-à-dire que des gens se retrouvent subitement nazis, malgré eux. Les fameux malgré nous, ben là, voilà, c'est malgré eux, ils sont nazis. Et bon, ben, finalement, c'est pas si désagréable d'être nazi. Hein. Alors, j'ai envie de dire, si tu n'aimes pas payer des impôts, tu es antisémite, raciste et nazi, bienvenue au club. Tu vois, ça va vite. Hein, et chez nous, on n'est pas exclusif. Hein. Moi, j'ouvre les bras à tout le monde. Hein. Enfin, sauf aux métèques. Mais sinon, vous êtes bienvenus. Hein. Putain, Macron, recruteur en chef de démocratie participative et de la droite nationaliste au sens très large. Qui veut dire quelque chose sur tout ce qu'on a dit jusqu'à présent? Non? Pas spécialement. De ce côté-là. L'attitude des CRS, peut-être. Alors du coup, les CRS pas avec nous, hein. Non quoi. CRS avec nous, les gens qui savaient pas, bon là ils sont au courant. Hein. Non. On avait déjà eu un échantillon pendant la manif pour tous, mais non, toujours pas. De toute façon, peu importe le contexte. C'est le courrier du début de l'émission, quoi. C'est, il faut distinguer la police territoriale, la police que vous voyez au quotidien, la BAC et autres, ceux qui sont vraiment en charge d'un quartier où vous vivez, ou de votre ville, de votre commune, et puis les CRS ou les gendarmes mobiles, dont la fonction, c'est d'obéir au gouvernement partout sur le territoire et de se déplacer, le nom est indiqué, et de fracasser les faces des opposants, retraités, handicapés. J'ai vu des handicapés, ouais, j'ai été gazé. Bah ouais, alors on s'en fout. Ils sont payés pour ça. Hein. Tu vas gueuler CRS avec nous et le nous, tu vas le dire en crachant de trois de tes chicots. Ah mais voilà, mais bon. Voilà, je pense qu'il faut vraiment quand même se clarifier là-dessus. CRS avec nous. Ceci étant dit, Moi, j'invite pas à la haine du CRS comme l'ont fait les gauchistes en disant ouais, enculé. Écoutez, dans notre famille de pensée, on n'est pas des anarchistes. Donc, il y a parfois des troubles et il y a parfois des gens qui posent problème qui doivent être neutralisés. Il peut y avoir des éclats et il faut une police spécialisée là-dedans. Mais ce n'est pas la question qui nous concerne aujourd'hui. On parle de gens qui sont des gens normaux, qui ne sont pas des factieux. Notez que nous avons été qualifiés tous collectivement de séditieux. J'aime beaucoup ce nom. Nous sommes tous des séditieux d'après Castaner. Et donc, vous avez des retraités. Vous avez des femmes au chômage de 57, 56 ans qui n'arrivent pas à trouver un boulot. Vous avez simplement des gens qui sont qui savent pas trop ce qu'ils vont devenir, qui vont manifester. Ils se font traiter de séditieux, ils se font casser la gueule. Bon, ça pour moi c'est pas des séditieux. En revanche, je connais un certain nombre de pourris qui mériterait de se faire casser la gueule. Alors bien évidemment, la criminalité dont visiblement est familière Castaner. Ceux-là ne vont pas tellement fréquenter les matraques de CRS, je crois pas. Non plus que les squads d'extrême-gauche, ou pullulent la CAM et autres, ça non, c'est les réserves des municipalités socialistes, marxistes et écolo-communistes. Ça se passe bien. Je vais pas parler des banlieues. Dans les banlieues, il y a parfois un petit peu de gendarmes mobiles qui donnent des claques, du CRS qui cogne. Enfin, globalement, ça se passe bien, quoi. Hein, je veux dire. Dans les petites cités, hein. Dans les grosses cités, les mecs ne rentrent même plus. Non, ça, c'est vraiment dans les petites cités. Voilà. Ça, c'est plutôt dans les provinces, hein, que les flics peuvent encore filer des claques, quoi. Voilà. Non, les CRS, vous voyez, tapent en fait sur le peuple qui bosse. Mais tous ceux qui sont des vrais nuisibles avec des vrais moyens de nuire, c'est-à-dire la grande criminalité ou les métèques, ces mecs-là, ils ne voient jamais la gueule d'un tonfa de gendarme mobile. Jamais. Jamais. Le gendarme mobile, c'est pour le prolétaire, l'ouvrier, qui paye à la fin du mois une large couche d'impôts. Alors lui, là, dans la gueule. Voilà. Il faut que les gens comprennent, parce que les gens ne comprennent pas. Les gens sont naïfs, ils se disent les gendarmes mobiles, gendarmes, gendarmerie, protection du peuple. Oui. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Peut-être Derek, un petit peu sur ces gens qui ont découvert les miracles des compagnies républicaines de sécurité. Au moins, c'est marqué dessus. Il y a marqué républicain. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a escroquerie sur la marchandise. Hein. C'est déjà frelaté dès l'origine. Je veux dire. Bah écoute, oui, tu sais bien qu'on avait quelques yeux et quelques oreilles là-bas, sur Paris. Hein. Et bon, les CRS, bon, se sont montrés extrêmement agressifs, hein, envers tous ces gens-là. Donc tu avais la population que tu as eu, bon, il y avait des militants un petit peu de tous bords, hein, mais des gens qui n'étaient pas militants du tout, qui étaient juste venus là, gilets jaunes. Et qui était là à dire CRS avec nous, CRS avec nous, puis bon, ils ont été rapidement, rapidement rattrapés par la réalité, hein, et je crois que ce comportement, cette tactique qu'a adopté le pouvoir vis-à-vis de la manifestation, ça a diffusé, c'est-à-dire qu'il va... habituellement, ce sont les syndicalistes, l'extrême gauche et autres. Là, ce sont des gens qui ne sont pas habitués à manifester, qui ne sont pas habitués à tout ça. La défiance que ça peut engendrer, ça va faire tache d'huile, quoi. Ouais. Donc, c'est très bon. Alors, on va parler de l'attitude de Castaner, hein, ça va continuer, quoi. Les types, l'opération COV est dégueulasse, quoi. Alors, à préciser que les policiers, pendant toute la journée, ont gazé comme des dingues. Hein. Les flics ont gazé comme des tarés. Ouais. Ils ont craché tout le gaz qu'ils pouvaient. Non, mais vraiment, on a quantité de témoignages là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs sont arrivés sur les Champs-Élysées pour assez tranquillement. Et en fait, le pouvoir voulait du clash, voulait leur foutre dans la gueule. Et ça a été gazage pendant pratiquement... 8-10 heures, au moins 8 heures de gazage, ils ont balancé, quoi. Bon, bah, c'est une indication, hein, c'est une indication, c'est un message qui a été envoyé de la part de cette petite lope de Macron, parce que ce mec est une lope, avec sa rombière. Il n'était pas à l'Élysée. Hein. Les manifestants sont approchés jusqu'à. Ils sont approchés à 100 mètres, mais cette espèce de fiotte, ils nous diront pas où il était, hein, mais cette espèce d'enculé là, il était tranquillement dans son château, bien loin de tout ça, quoi, bien loin de tout ça. Mais voilà, donc ces gens qui étaient mécontents ont été gazés, et, pour pas parler du reste, quoi. Quelqu'un là-dessus, vous voulez rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Alors, j'ai envie de faire une mention spéciale pour. Quand même, notre ami Hervé Rissen, Hervé, le héros. Un ami qu'elle salue quand même, a beaucoup d'affection. Hey, l'homme orchestre. Hey, bien quand même. Hein. Hey, deux semaines de suite. Hein. La semaine dernière déjà le 17, cette semaine encore, on l'aime bien Hervé. Hein. On l'aime bien. Un militant exemplaire. Ah ouais, c'est plaisant. Hein. Il écrit des livres et en plus, il se cogne avec des flics, c'est quand même bien. Non mais bien quand même, je veux dire. Au milieu de tout ça, les CRS, donc bien entendu, n'étaient pas très loin. Ouais, c'est comment te dire. Des belles images dans le Figaro. Ouais, belles images. Hey, c'est rien ce qu'il faut dedans avec le drapeau, quoi. Est-ce que vous savez que Bernard-Henri Lévy l'a retweeté? Bernard Hélé a retweeté la photo de Rissen. Il savait pas, quoi, tu vois. Oh là là, mon Dieu. Alors, du coup, CRS, pas SS. Hein. Non, CRS, pas SS. Alors, par contre, bon, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais les gens d'extrême gauche, il faut le dire, qu'ils se sont relativement bien tenus en ce qui concerne, nos gens à nous. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'agression entre les deux. Hein. En général, vous mettez des mecs d'extrême gauche et d'extrême droite au même endroit, ça finit mal. Ça se passe mal, ouais. Ça se passe mal. Et là, bon, ben, non, là, vu que les flics ont su se montrer particulièrement détestables, il y a eu comme qui dit, un front commun. Donc, c'est à noter. Ben. Un front authentiquement national et socialiste, peut-être. Quelque chose se passe. Un front anti-républicain. Je sais pas, mais comment dirais-je. Non, mais là, il faut le dire. Je veux dire, c'est un moment important. L'alliance de la rébellion ne pourrait pas se faire sur une base de partis. Parce que sur la base des partis, le jeu est pipé. On le sait, bon, voilà. Parti ou syndicat, hein, c'est la même chose. Voilà, voilà. On va y venir sur les syndicats. Et du coup, la rue peut unifier des gens qui, par ailleurs, ne se parlent pas autrement. Et ça, c'est très positif. Et moi, comment dirais-je, même si nous avons des accords très importants avec l'extrême... Alors, je ne parle pas des militants endurcis, antifascistes, oui, dont c'est le boulot. Oui, nous ne parlons pas des juifs trotskistes. Hein, voilà, c'est ça. On parle des gens pour qui le devenir de leur propre peuple est important. Voilà, ça compte pour eux. Ils n'ont pas les mêmes conceptions que nous. On n'est pas d'accord sur tout, c'est clair. Mais face à la répression gouvernementale de ce pouvoir bancaire juif, temporairement, conjoncturellement, ils sont d'accord. Bon, bah, ça fait plaisir. C'est bien. Et Hervé Rissen, d'ailleurs, l'a souligné. Il a dit, voilà, moi, j'ai discuté avec des militants communistes. Sur l'immigration, on n'est pas d'accord, mais sur le reste, on a beaucoup de choses en commun. Et je suis totalement d'accord avec ce point de vue. Ça nous change un petit peu, vous savez, de Éric Brunet. Vous savez, ce commentateur radiophonique, comment dirais-je, qui fait semblant de s'opposer à tous les maux qu'on subit. Oui. Et le droitard de BFM TV, hein, estampillé Patrick Dahi, c'était voilà, un concept c'est intéressant. Hein, mais... C'est l'aile patriote droitard du CAL, en fait. Hein, c'est, voilà, c'est... Oui. Et alors aujourd'hui, il était là, mais qu'a fait Castaner? Pourquoi n'a-t-il pas empêché les Champs-Élysées d'avoir été blablabla blablabla? Donc, Le bourgeois qui touche je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros par mois, il est gavé de blé pour mentir, et là, il traîne la plèbe, comment dirais-je, conservatrice vers la synagogue à longueur d'année. Et là, ça remue un peu. Qu'est-ce qu'il fait ? Coup de surin dans le dos, évidemment, du peuple en colère, du peuple français en colère. Évidemment, il a la reconnaissance du ventre. Éric Brunet, tu es une salope. Tu es une salope. Et le mot est faible. J'ai c'est bien pas gentil pour les salopes, je trouve. Quelles salopes, ils sont très sympas. Je ne sais pas de qui tu parles. Je ne sais pas. Ah voilà, bah voilà. Bah si, attends, si le maître étalon c'est Éric Brunet, je ne veux pas connaître de salope. Je te le dis tout de suite. Ah oui, oui, oui, c'est pour ça qu'il n'est pas gentil pour les salopes. Alors, on a eu un renfort de poids. Parce que les gens ne comprennent pas ça, mais vous savez, il y a toujours des gens, mais comment un peu de violence, etc. Attendez, mais vous avez pas vu ce qui s'est passé? Ça fait le tour du monde, le truc. Ça fait le tour du monde, le tour du monde, le tour du monde. C'est-à-dire que quelques milliers de mecs sur les Champs-Élysées ont fait le tour de la planète. Ça a touché des centaines de millions de gens. En oui, termes d'image. Macron passe pour une guignole aux yeux de la planète. Voilà. Et les mecs sont là, non, on aurait dû faire une manifestation tranquille. Là, donc tout, personne n'a rien eu à foutre. Oui, là, il y a quand même Donald Trump qui a commenté cette manif, quoi. Donc, et voilà. Donald Trump prend... Alors, il prend position, il dit, voilà, il y a des grosses manifestations en France très violentes. En gros, il dit, ça te fera les pieds, sale con. il est temps de mettre les problèmes sur la table, et là, il parle pour l'Amérique. Mais, bon, il soutient. Mais, Trump est avec nous, les mecs, hein. Il est avec nous, hein. Il est là, il est... ouais, j'aime bien ça. Ouais, disons qu'il est contre Macron. Moi, c'est... Voilà, c'est ça, il est contre Macron, il va savonner la planche. Mais c'est la première fois, moi, ça n'est... les gens doivent mesurer ça, c'est la première fois de toute l'histoire qu'un président des États-Unis d'Amérique en fonction prend position en temps réel pour un mouvement qui comporte des éléments divers et variés, mais aussi des gens de chez nous, qui se fritent avec la police du régime sur les Champs-Élysées. Ça n'est jamais arrivé. Effectivement, vu cet angle-là, c'est, oui, c'est assez unique. Voilà. Vu que Donald Trump est un comique, hein, parfois est un bon troll, il aime bien rigoler, je serais pas étonné de le voir faire un tweet avec un gilet jaune, ça serait très rigolo. Mais là, je fantasme un peu. Hein. Ouais, tu fantasmes, mais par contre, c'est pas du troll. Hein. Enfin, c'est du troll, mais ça a vocation à être politique, hein, ce qu'il raconte. Hein. Quand il dit. Quand Donald Trump annonce quelque chose, généralement, là, c'est un petit avertissement. Il a fait pareil pour la Corée du Nord, il a fait pareil pour l'Obamacare. Là, les négociations commerciales dont il parle après son tweet. C'est pas quelque chose qu'il va laisser sur le côté, c'est clair. Voilà, il dit Macron là, tu vois, je vais faire monter la pression là, tu vois le micro-ondes là ? Attends, allez, je vais rajouter 15, tu vois, pouf ! Tu vois ? Et en même temps, on en a parlé la semaine dernière, mais vous vous rappelez quand même le numéro que Macron a fait avec la négresse en face de son nez ? Ben oui, c'est je pense pour ça que nous avons cette réaction-là, sinon bon, il ne serait pas permis de faire une réaction pareille. Mais oui, la négresse plus la déclaration sur l'armée, etc. Bon, voilà, Macron, l'amateur de nègres en sudation, ne sait plus se tenir. On est d'accord que Macron est un homosexuel. Oui. Ah bah, putain, il n'y a qu'à voir le regard qu'il lance au négro sorti de prison, là, je sais plus quelle île de merde, qui est torse nu, dégoulinant de sueur, et qui l'attrape par la taille, ou je sais pas quoi, le regard, mais captivé, en fait, il a le regard happé par le nègre. Fasciné. C'est ça qui est fou, fasciné. Quoi. On dirait, enfin, vraiment, hein, y a des mèmes qui ont été faits, des détournements, mais c'est fou, on dirait que le nègre le domine, déjà, le passionne, que Macron est véritablement, il est happé par l'énergie nègre, quoi. Il manquerait plus que la scène suivante, c'est Macron à genoux avec le nègre dans un fauteuil, un cigare à la main, un whisky et l'autre en train de le pomper, quoi. Non, mais il y avait déjà eu la photo avec les nègres PD là qui étaient venus chanter pour la fête de la musique. Les demi-travelots, là, je sais pas si vous vous souvenez. On s'en rappelle un peu. Hein. Oui, hein, un petit peu. Mais d'ailleurs, je crois que c'est ressorti sur le site. J'ai cru l'avoir. J'ai cru l'apercevoir encore. Ça va, oui, il risque d'y avoir de temps en temps des images comme ça qui ressortent. Rappel. Voilà. Ouais, et puis non, c'est une négresse situation. Oui, c'est une fiotte. Quoi. Et, juste plus ça de négresse là, qui nous a sorti de je ne sais où. Ça, si c'était si c'était une encore, ça irait. Oui. Non, il y a une ribambelle de négresse qui nous a sorti de son chapeau. Et les nègres ! Et les nègres ! Mais on n'en parle pas ! Mais je veux dire, ils nous truffent de nègres ! Ouais, on les truffait de nègres ! On les truffait de nègres ! Truffait de nègres pour ce mec ! Incroyable, incroyable. Il se lève le matin, il nous truffe de nègres. C'est partout à l'Assemblée, dans les médias, dans ses conseils, des malades, des nègres. Mais, des négresses, madame, monsieur, enfin je sais pas si alors là, je suis pas sûr. Je sais pas si elle avec pronoms, les notions en fait, sexuelles. Oui, je crois que c'est aboli chez lui. Hein. Ouais, non, mais est-ce que les pronoms masculins et féminins, ça se... Enfin, c'est pour les êtres humains ou pas? Huguette Tenia, quelle est cette chose? Tenia, oui que... Dans le Lot, député du Lot. Non mais attends, c'est... Ouais, elle a inventé le porte-document, celle-là. On l'avait retrouvé dans le Lot, merde. Oui, on l'a retrouvé dans le Lot, mais... Il y a 13 000... Alors, il y a 13 000 gens qui ont le cancer du cerveau dans le Lot qui ont voté pour Tenia, quoi. Ouais, la négresse improbable. Non, mais c'est fou, quoi. On en a déjà parlé, ces coins-là sont bolcheviques au dernier degré. Donc, ils ont vu le parti rouge. Bon, ils ont voté pour les rouges. Bah oui. Mais bon, enfin, c'est vrai que ça donne une négresse qui ne parle pas français, quoi. Hein, ah, elle ne sait pas s'exprimer. Hein, non, elle ne parle pas français. Elle ne parle pas français. Hein, on sent que ce n'est pas sa langue maternelle, quoi. Elle parle, je ne sais pas si c'est du Wolof ou du truc comme ça. Hein. Mais elle a une gueule, putain. Un faciès. On parle là, en fait, de la députée La République En Marche, qui est une négresse d'Afrique que Macron a fait naturaliser pour la bombarder députée à l'Assemblée nationale, qui donne des leçons de patriotisme à Marine Le Pen, etc., en pleine assemblée. Et on ne sait pas d'où ça sort, ça parle à peine français, c'est ça, les députés. Il faut examiner ces spécimens-là de profil. Oui. Il y a des angles faciaux qui sont tout à fait surprenants. Oui. Si tu veux, l'angle qui est formé par la ligne, qui va du menton jusqu'aux dents, hein, l'avant des dents, oui. Et la ligne oblique. Ouais, qui va du nez ben jusqu'au haut des dents. Ça te fait une espèce de triangle pointu où tu as cette mâchoire qui avance du visage, qui veut s'échapper. C'est propre. Un prognatisme criminel. Moi, j'ai été obligé de réadapter mon étagère à crâne, pour vous dire. Ah mais c'est-à-dire le crâne, enfin un crâne comme ça, tu le poses sur une étagère, il bascule de l'avant parce que les dents font contre poids. Il faut bien préciser une chose, c'est que certains députés de La République En Marche ont les mâchoires plus lourdes que la boîte crânienne. Je pense que tu fais allusion à notre autre député français. La Négraille. L'Ipoutou, hein, l'Ipoutou qui effectivement. Ah oui. Celle-ci. Il avait le cerveau dans la mâchoire, il pourrait commencer à rentrer dans le game, quoi. On peut faire même peut-être des armes avec cette mâchoire. Quand elle mange du pot-au-feu, elle broie l'os. Oui, bah elle bouffe le pot avec. Hein. Si tu te balades en Afrique, Gandalf, t'auras l'occasion de remarquer qu'ils se servent de leur mâchoire comme d'une arme, hein, effectivement. Quand je me balade en Afrique, les nègres me portent toujours sur ma chaise. Ils ont toujours été réglos jusqu'à présent. Est-ce que tu leur fais tenir le truc avec la mâchoire? Je t'en ferai voir, tu verras, c'est intéressant. Alors, mais... Oui, vas-y. Non, mais écoute, tant qu'on est dans les négresses, il y a Sibeth Ndiaye, donc... Ah oui, machin, bah, donc qui est... Non, mais il y en a absolument partout. Partout. Alors, Sibetchenia, c'est sa communicante, qui est une grosse négresse qui se promène avec des dreadlocks. Elle est grosse, elle est grosse. Hein. Elle est grosse. Hein. Tu sens que... fait l'huile de palme. Voilà. Tout ça, toute cette cellulite, c'est nos impôts, quoi. Hein. Voilà, les gilets jaunes. Vous vous demandez où c'est qui va le pognon. Ben voilà, il engraisse des négresses. Dans le cul de voilà. C'est quand Gérald Darmanin, il fait ses restos à 200 euros, là, vu qu'il a dit qu'il faisait des restaurants à 200 euros cette semaine. Bon, en fait, Le youpin Darmanin. Gérald Moussa Darmanin, hein. Faut jamais le... Un mélange d'arabe et de juif. Mais n'empêche, 200 euros, tu prends un resto à 200 euros, donc il se fait une journée, donc pour lui, là, déjeuner, dîner, ça lui fait 400 euros. Bah lui, c'est une journée, moi, c'est à peu près les deux tiers de mon loyer environ. Voilà. On n'a pas les mêmes rapports avec le réel. En tout cas, je voulais quand même dire à toutes ces négresses dont vous parliez qu'elles ne s'emmerdent pas à apprendre le français avec Marc Georges. Hein, si la démographie française continue comme ça, dans 10 ans, elles peuvent s'exprimer dans leur langue d'origine. Pas de soucis. Je saute sur ce que tu dis, Pierrot. Darmanin, j'ai remarqué que ce type-là, ça se voyait pas trop, tu vois, qu'il appartenait à la tribu, hein. Mais, il avait une tête bizarre. Je me suis dit, bon, une métisse bizarre. Oui. Mais disons que depuis qu'il est ministre, il a enflé. Ça se voit plus. Il a enflé du visage et particulièrement du nez. C'est-à-dire qu'il a le nez qui a grossi. Et qui a grossi, mais en tombant. C'est-à-dire qu'il va le nez. En fait, il a juste enlevé son masque, quoi. Il est en train. C'est un cas. C'est l'argent, ça. Est-ce qu'il y aurait des médecins qui pourraient nous expliquer ça? Il a une trompe qui lui pousse à la place du nez. Comparer les photos de Darmanin il y a 5 ans et comparer sa gueule maintenant. Oui. Il est ministre des comptes publics, donc c'est peut-être pour mieux aspirer l'argent. Je sais pas. Il a le nez qui pousse. Il doit avoir tellement de liasses de cash, le mec, il a... Quand tu travailles à Bercy, de toute manière, il faut que tu aies suffisamment de nez pour tout aspirer, quoi. Oh, de toute façon, il est repoussant, ce juif. Il est repoussant. Physiquement repoussant, quoi. Enfin, vous allez me dire, comme tous les juifs, mais alors celui-là particulièrement. Et vous le voyez, déjà, vous avez les mains qui collent. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, moi, quand je le vois, je vérifie mes poches. Hein. Bah lui, tu lui serres la main, tu recomptes tes doigts. Hein. Alors, chers amis, on a aussi Frédéric Aziza, donc le journaliste juif de Public Sénat, qui n'a pas pu s'empêcher de vomir sur les patriotes présents sur les Champs-Élysées. Alors je cite, hein, parmi ses nombreux tweets sur le sujet, parce qu'il retweet Macron, il retweet Bernard-Henri Lévy, cette espèce de cafard qui là aussi s'en prend aux gilets jaunes. Le message est en train de passer, lance le député de la France Insoumise François Ruffin depuis les Champs-Élysées sur BFM TV. Un comble, il ne juge pas utile de condamner les militants de l'ultra-droite qui tentent de tout casser à quelques dizaines de mètres de lui. Un de ses premiers tweets. Il continue dans le même genre avant de s'en prendre à Hervé Ryssen, où il dit « Le néo-nazi Hervé Ryssen, parmi les meneurs de l'opération de l'ultra-droite sur les Champs-Élysées, est condamné à de la prison ferme pour incitation à la haine raciale et antisémitisme. Il se présente lui-même comme raciste, anti-juif et antisémite. » Là, il cite le « Times of Israel ». Et il reprend de plus belle, parmi les meneurs de l'opération de l'ultra-droite, blablabla, le néo-nazi Hervé Ryssen, blablabla. Donc c'est il a retweeté, re-retweeté, re-re-retweeté le même truc. Hein, donc ça, c'est sur Public Sénat, donc c'est la chaîne du Sénat. Et cette espèce de sale youpin d'Aziza est en train d'attaquer tous azimuts, tout ce qui semble être hostile à Israël. Dixit les juifs, hein. Donc c'est la France Insoumise, Ruffin, Hervé Ryssen, tout le monde, hein. Là c'est vas-y que je te... Donc, verdict, cher gilet jaune, si par hasard vous avez un engagement militant ou pas, et que vous n'êtes pas aux ordres d'Israël, vous êtes une ordure, vous devez être éradiqué. Donc, vous êtes un néo-nazi. Voilà, vous êtes un néo-nazi. Aziza, Frédéric, c'est l'amateur de Chixa, Alors, ce sale juif est un amateur pathologique de d'Aryennes. Hein. Oui, mais lui, lui aussi, il est comme les types du Bangladesh, lui, il a le droit. Ah oui, il a le droit, oui. Les codes culturels, il les a pas. Ah oui, les codes culturels, ça serait de l'antisémitisme de l'en empêcher. Ouais. Moi, je m'étais arrêté au code nucléaire, mais il y a des nouveaux codes, donc... Maintenant, quand t'as pas les codes culturels, c'est bon, tu peux violer de la blanche. Ah là là, Aziza, sale juif. On va rappeler quand même hein, l'affaire... Oui, vas-y. Le journaliste qui avait porté plainte hein, contre le Aziza, il y avait des témoins en plus de l'affaire, quoi. Des mains au cul, des trucs comme ça, quoi. Normal. Apparemment, c'était pas la première fois. Il a été suspendu, voilà, rapidement. Et puis en fait, au final, c'est la nana qui. Qui s'est fait, oui, qui s'est fait par Aziza, ouais, qui s'est fait virer, puis Aziza est revenu, tu vois. Il y a un invariant dans tout ça, c'est que le juif reste à sa place quand il a le pouvoir. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, sur ces entrefaites, messieurs, femmes, la lutte contre la violence faite aux femmes. Non, je ne parle pas des... Non, les féministes. Oui, non, mais oui, voilà. Mais comment dire... Non, je ne parle pas d'Aziza, le violeur de Shiksa. Je ne parle pas des gens du Bangladesh musulmans qui violent des collégiennes de 16 ans. Non. Je parle de la lutte contre le patriarcat blanc qui avait lieu, malheureusement, le même jour en ce qui concerne leur manifestation et qui a été stoppé, ou dirais-je, occulté par ces Français qui finalement croule hein, sous l'oppression fiscale juive. Ces salopards ont osé faire de l'ombre à cette manifestation. Je voulais vous faire écouter une personne des grandes gueules. C'est Soubré, Marianne Soubré, qui veut... Putain nègre. On va y revenir, et qui veut dire à quel point elle est écœurée par le peuple français qui ose gueuler contre le pouvoir juif. Parce que ça fait de l'ombre aux manifestations de masse féministes qui rassemblent tellement, tellement, tellement de gens. On l'écoute, on se retrouve. Tout le mépris que j'ai pour des gens qui vont occulter une énorme manifestation importante, beaucoup plus importante qu'eux, qui est liée à la lutte contre les violences faites aux femmes, des années, une année entière, que cette marche est prévue. Et quand on leur dit, mais attendez, là, vous arrivez, vous les gilets jaunes, prenez une autre date, etc. Ils disent, on n'en a rien à faire. Voilà. Il y a des femmes dedans. Oui, mais on n'en a rien à faire. Voilà la réponse. Parce que de toute façon, c'est aussi la limite oui. Hein, de ce genre de truc qu'on organise sur Facebook où tu n'as pas de leader, etc. Ils ne se déclarent pas en préfecture, alors que n'importe quelle organisation sait que quand on veut faire quelque chose, on se déclare en préfecture. Donc déjà, ils ne respectent pas les règles. Mm-hmm. Deux, il y a des causes bien plus importantes qu'eux, parce que je suis désolée de dire que même s'ils ont des problèmes et que j'entends leurs problèmes, ben, une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint, c'est nettement plus grave que de ne pas pouvoir payer son essence parce qu'ils sont toujours vivants. Donc ils vont occulter quelque chose de beaucoup plus grave qu'eux. Mais ça, ils n'en ont rien à faire. Et je reviens sur la désinformation, parce qu'ils ont aussi fait circuler notamment une petite vidéo où on voyait un homme en fauteuil roulant qui, soi-disant, était roué de coups, et son accompagnant était roué de coups par les CRS. Tout ça, c'est bidonné. Ce sont des gens qui ont tenu des propos racistes. Ce sont des gens qui ont forcé une femme à enlever son voile. Ce sont des gens qui ont tenu des propos homophobes. Terrible. Voilà. Il y a eu deux morts. Il y a eu près de 500 blessés. À un moment, moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Stop. Voilà, stop. Nous sûr. Sommes avec Benoît. Alors, Marianne Soubré, comme vous l'avez entendu, est indignée. Elle a dit, voilà, votre lutte, elle n'est pas importante. Non, c'est pas qu'elle n'est pas importante. C'est dire, vous êtes des enculés, vous êtes des racistes, vous êtes des merdes. Hein, il faut le dire. Non, il y a plus que ça. Elle dit, non, il y a des priorités. Votre machin, là... bon, tu sens que c'est téléguidé, bien évidemment. Mais elle dit, voilà, ce qui est important, c'est cette manifestation, parce que tu sais, quand tu marches dans la rue dans l'après-midi, une fois dans l'année, ça va tout changer. Par rapport à un mouvement de masse partout, généralisé, oui, ça va tout changer. Et elle te dit, voilà, non, non, nous, on va manifester contre les violences faites aux femmes parce qu'il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de trucs. Bon, 2 jours et demi, ça fait combien dans l'année, ça? 180. Ou un peu moins. Alors, deux jours et demi... Ça fait 150. Donc, tu as 150 femmes dans un pays de 67 millions d'habitants, voilà, qui meurent officiellement des suites de violences conjugales, mais ça, c'est plus important que le sort de dizaines de millions de foyers. Oui, mais tu comprends, c'est des femmes. Ah là, c'est pas des femmes dans les foyers en question. C'est-à-dire ouais, que les femmes qui sont en charge du devenir de leur gamin, etc., qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois, c'est pas important. Ce qui compte, c'est pour cette espèce de pétasse de soubré, c'est de savoir si l'autre s'est fait boxer, machin, etc. Mais attendez, c'est statistique. C'est statistique. Je veux dire, il y aura toujours sur cette terre des femmes qui se prendront des coups dans la gueule avec des mecs. C'est pas souhaitable, mais ça arrive. C'est statistique, ok? Quand on dit, mais c'est dingue, en France, il y a 150 femmes qui meurent de trucs, de machin. Ouais, d'accord. Il y a 3000 personnes qui meurent sur les routes. C'est dramatique. Bon, qu'est-ce qu'on leur dit? Faites du vélo? Qu'est-ce que ça veut dire? T'as des gens qui sont en train de dire, voilà, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. On n'arrive plus. On est écrasé. Voilà, t'as des artisans, femmes et hommes. Femmes et hommes. T'as des ouvriers, des employés, des ouvrières, bien évidemment, qui sont à bout. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent plus. Ils ont des gamins en charge, ils s'en sortent pas. Ils sont divorcés, il y a beaucoup de familles recomposées, ils n'en sortent pas, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, non, mais ce que tu racontes, on s'en fout. Ce qui est plus important, c'est parce qu'en fait, c'est même pas les victimes en question des violences conjugales. C'est pas ça qu'elle dit, en fait. Elle dit, ce qui compte, c'est la manifestation. C'est les personnes qui vont défiler qui est beaucoup plus importante. Donc, faites bien attention aux mots qu'elle utilise. En fait, c'est même pas les violences en question qui ne seront certainement pas stoppées par une manifestation annuelle. Elle dit ce qui compte, c'est que toutes les caméras soient sur les trous du cul qu'on va retrouver entre le point A et le point B ce jour-là, parce que pour notre plan com, c'est très important. Et oui, il faut bien qu'ils justifient de l'argent qu'ils perçoivent. C'est-à-dire, on vous file des subventions pour vos associations, qu'est-ce que vous faites? Ah ben, on marche une fois dans l'année. Bah oui, voilà, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que s'ils font pas ce genre de... Parce qu'en fait, ça attaque quoi? Ça attaque leur légitimité, quelque part. Leur légitimité à, eux également, pomper le pognon de la communauté française qui bosse. Parce que toutes ces associations à la con, leur argent, il vient d'où? Bon, même si Soros finance certaines assos de merde comme les FMM, la plupart des assos en France, c'est quand même financé par l'argent public. Il faut pas dire l'argent public, il faut dire l'argent... des contribuables, ceux qui payent, qui bossent, qui cotisent. C'est ça qu'il faut dire. L'argent public, c'est trop flou. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu as d'un côté les gens qui manifestent parce qu'ils ont la pression fiscale criminelle de l'État français qui... Bolchevique, hein, bolchevique. De l'État bolchevique, excuse-moi, judéo-bolchevique, qui vient les saigner pour assouvir les besoins de ces différentes clientèles, hein. Alors, soit les nègres, les arabes et autres. Là, les féministes, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour occuper le terrain médiatique et faire chier les bonhommes. Et ces gens-là reçoivent des subventions. Donc tu as cette conne qui méprise les gens qui la font manger. Hein. Elle et ses putains d'associations de merde. En fait, il y a un phénomène de vase communicant, c'est-à-dire que elle se plaint du fait que ceux qui la payent pour manifester en ont marre de payer pour qu'elle manifeste. Oui, et c'est pas ça, c'est qu'en plus elle est censée les représenter, tu vois, c'est... Oui, elle est censée... Alors merde, laissez-moi vous représenter, bande d'enculés, voilà. Je parle, oui. Elle les représente pas, puisqu'en fait, les féministes ne s'intéressent à la condition des femmes que lorsque la dite condition permet de s'attaquer au patriarcat blanc. Parce que sinon, c'est une vraie, entre guillemets, féministe. Elle s'opposerait également à la venue de tous ces clans d'eau là, de balles qui vont ensuite violer des gonzesses. Parce que si tu veux protéger les femmes, tu les protèges de tout ce qui peut leur causer du tort. Or là, elles ne veulent parler que des femmes qui sont en rapport plus ou moins conflictuel avec l'homme blanc. Oui, bah, non, mais quand je te parle de représenter, c'est pas une représentation fidèle. Oui, ironique. Non, mais ce qu'il faut souligner, c'est en plus, quand vous voyez la séquence, elle en rigole un peu même. En fait, il faut bien comprendre que même le féminisme n'est pas sincère chez ces militantes féministes, c'est-à-dire que ces femmes-là ne croient pas un instant à ce qu'elles disent. Elles ont bien compris que le féminisme, c'est un outil, exactement, c'est une position victimaire, exactement comme chez les juifs, par exemple, ou les arabes, ou les autres, pour en fait gagner du pouvoir à coup de chantage et de culpabilisation de l'homme blanc. Donc en fait, elles savent très bien que faire un happening dans une rue en disant non, violence, machin, truc, ça va rien changer. Par contre, ça permet de faire des photos, ça permet de se positionner dans la haute société, ça permet d'exister, ça permet de faire du beurre, et en fait, ça permet en réalité de s'attirer les sympathies des vrais puissants. Donc à aucun moment, c'est une contestation de l'ordre établi. Au contraire, c'est une façon de détourner l'attention de la population des vrais enjeux. Et la vraie manifestation sociale, pour le coup, c'est les Gilets jaunes. C'est eux qui posent les vraies questions, mais alors là, pour le coup, de fond, quoi. C'est « moi, je bosse », et quand je dis « moi », c'est « homme, femme, même tarif », « j'arrive pas à m'en sortir à la fin du mois parce que j'ai des gosses, comment je fais ?» Comment je fais? J'en ai marre de me faire taxer, surtout tous les impôts augmentent, les taxes augmentent, etc. Chaque mois il y a une nouvelle taxe, j'en ai assez, je ne peux plus. Voilà. Ça, c'est la vraie question populaire. Et là, vous avez ces saloperies de bourgeoises promues par le système médiatique juif pour détourner l'attention du peuple et leur dire non, non, non, non, non, non, non. Non, c'est les femmes battues 150 par an parce que truc, machin, etc. Voilà, qui se fout de ce que parle de ce dont parlent ces gens, les gilets jaunes. Mais attends, combien tu touches par an, toi, connasse? Voilà. Donc, quand on voit l'attitude de cette pétasse, on voit quand même la crainte, je veux dire, du système. Le système commence à craindre le fait que le peuple commence vraiment à s'interroger sur toute cette structure, quoi. C'est évident, quoi, c'est évident. Parce que là, quand on raisonne en termes sociaux et économiques, je veux dire, là, il y a plus d'histoire de d'homme ou de femme, quoi. Je veux dire, quand t'es au SMIC, t'es au SMIC, quoi. Donc, Et c'est dans les grandes gueules, notez bien, hein, c'est dans les grandes gueules, quoi. C'est censé être les gens qui écoutent l'émission, qui se demandaient mais pourquoi il parle de la nana et pourquoi il dit système juif. Parce que ça se passe sur les médias juifs, quoi. RMC, c'est Veil, Drahi, C'est le judaïsme politique. Et puis les grandes gueules, il faut toujours souligner un truc sur les grandes gueules, c'est que c'est de la fausse opposition populaire. Ils sont là pour tenir, ils tiennent les goy en laisse. Ouais. Hein, c'est vraiment absolument ignoble. Notez bien le terme, les grandes gueules. Tu vois, les grandes gueules, c'est les gens qui vont prendre la parole contre le politiquement correct, contre l'ordre établi, qui vont oser défier... ce qui est autorisé, qui vont franchir la ligne rouge, quoi, tu vois. Et en fait, bah non, t'as des capots. T'as des pétasses comme cette Marianne Soubry qui était là, non, non, non, t'inquiète, avec ces conneries de pute, là, et dont tout le monde se fout. Et voilà, et c'est tout le temps comme ça. C'est le politiquement correct le plus abject en permanence, les grandes gueules, quoi. C'est ça tout le temps, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que cette manifeste-là, c'est rien de plus que la réunion de ce qu'appelait Le Pen l'établissement, quoi. Hein. Tu as Rokhaya Diallo avec les féministes, Duhamel, des fonctionnaires de l'éducation nationale. Et c'est le. Y avait pas un curé PD à un moment? Il y avait un curé PD, il y avait un curé PD, si. Ah ouais, putain, dans l'émission, comment il s'appelait? Oui, oh putain, ouais. Oui, il était là, c'est pratiquement un auxiliaire du Parti communiste. Dès qu'il y avait quelque chose qui était autre de droite, chose que... Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Non, autre chose que l'extrême gauche, c'était horrible, ouais. Voilà, méfiez-vous des curés, hein. Méfiez-vous des curés, sérieusement, hein, je veux dire, méfiez-vous des curés. C'est pratiquement une annexe de l'international LGBT aujourd'hui. Hein. Non, mais méfiez-vous, je suis sincère. Pas tous, mais beaucoup. Alors, les gars, j'ai envie qu'on parle un petit peu du mouvement. des gilets jaunes rentrer un petit peu dans le comment dire dans la finesse de ce phénomène. Moi, ce que j'observe, c'est que c'est un mouvement populaire, au bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est le peuple français. Parce que vous savez, les trotskistes, c'est les quartiers populaires, ouais. C'est que les quartiers à Bagnoul. Ouais, voilà, les quartiers populaires, il n'y a pas de blancs, c'est que des arabes et des nègres. Là, nous, effectivement, ce qu'on entend par populaire, c'est pas le même peuple. Est-ce que vous avez remarqué que Besançon et l'extrême gauche sont très discrets? Ah oui, on les entend pas, sauf pour dire peut-être qu'il y a des. Ça doit être poujadiste, il doit dire comme le préfet là. Non, ils ont essayé de rattraper le truc, mais ça prend pas. C'est-à-dire qu'en fait, on va y revenir, mais Mélenchon et compagnie, enfin Mélenchon, la CGT, on va y revenir tout ça, mais y a rien à faire, c'est-à-dire que c'est un mouvement du peuple français, par et pour les Français, et pas de bol, les mecs ne veulent pas plus de marxisme, ils en veulent moins. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que là, ça s'est passé sur les Champs-Élysées. Bon, je remets le curseur sur cet endroit-là. Oui. Mais donc tu as eu les Champs-Élysées, qui étaient envahis de blanc du coup, hein, envahis de blanc. Oui, pour une fois. Pour une fois, parce que en fait, quand tu voyais des drapeaux français avec. En général, sur les Champs-Élysées, c'était pour acclamer l'équipe des nègres. L'équipe de nègres. L'équipe de nègres. Alors, il y a une photo que j'ai vue passer sur le Facebook d'Henri de Lesquin, je crois, la page de son parti, là. J'ai oublié le nom. PNL. Parti lesquiniste, je présume. Oui. National-libéral. National-libéral, voilà. Autant pour moi. Une photo où tu vois les deux contrastes. Une photo, et la photo, il y a un commentaire qui s'interroge sur. C'est bizarre, en 4 mois, la France a changé de couleur. T'as des nègres partout d'un côté, puis de l'autre, des blancs, quoi. Hein, que des blancs avec les gilets jaunes. C'est intéressant à noter cette. Le fait, en fait. Cette composition. Ça permet de démontrer que le fait social est un fait. Racial. Et comme l'anecdote dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, les nombreux arabes, nègres et tout qui s'énervent quand il y avait des passages. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont absolument pas solidaires du peuple français. Voilà, les Français, même qui ne mettaient pas les gilets jaunes, je ne suis pas allé mettre le gilet jaune pour X raisons. Mais bon, voilà, quand j'y arrivais, je discutais un petit peu avec eux, etc. Et puis bon, ça finissait très bien. Eux arrivaient, non, ils se sentent pas, ils n'ont pas d'empathie, ils comprennent pas ce qui se passe, donc ils essaient de forcer. Des espèces de dealers là, en Mercedes là, qui arrivent, qui font les shows, des gros nègres là qui se croient chez eux quoi. Donc c'est très bien et ça montre que c'est métèque, hein. Même les gauchistes du coup peuvent le voir, hein. Ça montre que ces gens-là seront toujours du côté du pouvoir, quoi, hein. C'est tout. Absolument. Oui, là je crois que pour beaucoup de nos compatriotes, ça a été un moment de vérité. Oui. Parce que beaucoup de gens ont des idées reçues. Parce qu'il faut partir du principe que ce mouvement des Gilets jaunes, un mouvement authentiquement populaire, pas politisé. Beaucoup de gens, ils ont voté ceci, cela, bon, voilà. Ils arrivent, mais ils expérimentent quelque chose. Ils arrivent sur le bord des routes, les péages, les trucs, et là, ils voient la haine. La haine des Arabes. La haine des Noirs. Etc. Et probablement aussi d'ailleurs parfois la haine des grands bourgeois. Bon, là ça doit plutôt les conforter dans leur. Mais les nègres et les machins, ils disent putain, on partage pas le truc. On partage pas le machin. Donc ils se disent ah ouais, Coupe du Monde, ça va, tout le monde est content. Et puis en fait, quand on arrive dans les vraies questions du quotidien, de la survie, c'est terminé. C'est terminé. Moi, c'est pour ça que moi, la Coupe du Monde, devant cette hystérie, vous rappelez, on en a parlé. Ah, c'est moi, j'étais malade. Hein. J'étais malade. Bien sûr, cette sidération de masse où ça marche à chaque coup, mais c'est tellement éloigné de ce que malheureusement les mêmes qui sont contents quand ils gagnent une Coupe du Monde vivent ensuite au quotidien. C'est l'effet de c'est des fêtes de chien de Pavlov, hein. Bon, c'est comme ça. Alors les gars, un mouvement authentiquement populaire, social, au sens noble du terme pour une fois, national, ça fait plaisir de voir des drapeaux tricolores et des Marseillaises. Quoi. Ça nous change de ce qu'on est habitué avec tous les... Alors, vous n'avez pas vu cette vidéo, vous avez... C'est anecdotique, hein, mais simplement... j'ai oublié le nom de la ville où ça s'est passé. Des rouges tentent d'infiltrer le mouvement. Il y a un rassemblement, des centaines de gilets jaunes sont présents, si ce n'est pas des milliers, et des rouges essayent d'entonner l'international. La masse présente se met à les siffler. La soupe marxiste-cégétiste ne prend plus. Ça y est, ouais, les anticorps rentrent en action. J'ai eu vent aussi de type de la CGT là, qui a essayé de se pointer à des réunions gilets jaunes avec leur drapeau de merde de la CGT. Quoi. Et pareil, ils se sont fait dégager. Quoi. Moi, je conseille aux gens de la CGT, s'ils veulent attirer des gens, c'est de mettre des svastikas sur leur drapeau pour essayer d'un peu galvaniser les gens. Hein, parce que sinon... Oui, j'ai le rouge. Oui, parce que juste avec le C machin écrit au marque, c'est dégueulasse. Je comprends même pas. Alors, comment dire ? Pour y être passé, en fait, où ? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que la vidéo dont tu parles, elle se passe à Bordeaux. C'est possible. Je sais pas. Vignac. Non, ça me fait penser au palais de justice de Bordeaux, si je dis pas de bêtises. J'étais passé il y a longtemps avec l'armée. Je sais pas bien. Je crois que c'est là-bas. Et c'est étonnant d'ailleurs, parce que c'est pas une ville qui est vraiment très à droite, si je dis pas de conneries. Hein. Non, mais là, l'international, ça fait dégueuler n'importe qui a du bon sens. Hein, je veux dire. Enfin, moi, quand j'entends l'international, tout de suite, oh, au secours, hop, je lance mon MP3, le horse vessel lead, hein, tu vois, pour me. Oh. Tu vois, sinon, j'ai un malaise, tu vois, je me sens mal. Non, c'est pas possible. Mais les gens n'en peuvent plus, hein, je veux dire, les marxistes, plus personne ne veut entendre parler d'eux. Alors, justement, j'enchaîne sur cette question. L'attitude des syndicats. Très révélatrice, messieurs, l'attitude des syndicats. On pourrait se dire, de prime abord, un mouvement populaire. Tout le peuple, enfin, je dis tout le peuple, j'exagère un peu, je suis un petit peu exalté, mais disons, bon, les masses se mettent certainement en mouvement. Elles contestent le pouvoir. C'est confus, il y a différents types de contestations, chacun arrive avec ses revendications, dans toute la diversité de la France. Mais il y a une contestation très réelle, sourde, lourde, déterminée. Les syndicats, premier réflexe, avant même d'avoir été tâter le terrain, ou peut-être qu'ils ont envoyé quelques types, mais en tout cas, très tôt, avant même le 17 novembre, prennent position contre. Le premier d'entre eux, la CGT, qui est quand même le syndicat, j'allais dire, le plus emblématique d'entre tous. Hein. C'est celui qui a, il faut le dire, hein, le plus de visibilité, qui a aussi le plus de crédit en termes de dureté par rapport aux autres forces ouvrières ou la CFDT. La CFDT, bon, c'est proverbial. Martinez, l'Espagnol rouge, dit non. Ce sont des salauds. Je cite le journal Le Figaro. Voici ce que nous. Alors, c'est pas Le Figaro qui interprète, hein, c'est citant le communiqué de la CGT. Le communiqué de la CGT revient également sur la colère légitime exprimée par les Gilets jaunes depuis samedi, sans pour autant les nommer. Mais le syndicat appelle donc les citoyens à ne pas laisser dévoyer leur colère par ceux distillant des idées xénophobes, racistes, homophobes. Le texte de l'organisation reprend en cela les craintes exprimées par le passé par son secrétaire général Philippe Martinez, qui s'inquiétait de voir le mouvement soutenu par le Rassemblement National, le FN, quoi, pointant du doigt les risques de récupération politique. Le représentant avait notamment déclaré que les déclarations du maire de Béziers, Robert Ménard, en soutien aux manifestants, étaient absolument scandaleuses. Bon. Alors, on voit que la CGT essaye de parler du Front National. On sent la vieillerie quand même. Hein. Il parle du Front National. Je suis désolé, le mouvement des Gilets jaunes n'a rien à voir avec le Front National. Ouais, non, le Front National, elle soutient. Mais c'est une blague. Quoi. En fait, les syndicats ne représentent plus rien au niveau. Comment dire, au niveau de l'effectif. Au niveau de l'effectif, c'est que dalle. Au niveau. Ils sont là parce que y a c'est comme la presse. Voilà. Il y a des mécanismes qui sont créés par l'État pour faire manger ces gens. C'est-à-dire que c'est. Précisons, il y a des mécanismes créés par l'État, payés par. Voilà, oui, payés par nous. C'est-à-dire que, voilà, hein, pour que les gens, là, les gilets jaunes, hein, se fassent encore une fois saigner par l'État bolchevique et voilà, et puis qu'ils soient représentés encore une fois. Il y a des schémas qui se dessinent, hein, c'est. Bizarre. Et que tu payes pour des représentants, mais tu les choisis pas. Voilà, tu payes pour tes représentants et tu es prié de fermer ta gueule. Bien foutu. Si tu l'ouvres, c'est ennuyeux. Hein, bon, voilà. Alors, je vous pose la question. Donc, ces syndicats qui sont censés être en phase avec le peuple, qui prennent. Alors, c'est dingue, quoi. Premier mouvement vraiment populaire depuis quand même longtemps. Je veux dire, populaire au sens social et économique, disons. Où on parle de questions, voilà, on parle revenus. On parle situation personnelle, on parle vraiment de problèmes vraiment que les gens vivent au quotidien, d'accord ? C'est pas la MPT qui parle de questions qui sont parfaitement tout à fait respectables, d'ailleurs, hein, les questions sur la famille, etc., il n'y a pas de problème, je les respecte énormément. Mais là, c'est vraiment, c'est transcourant, quoi, hein, c'est vraiment la question, merde, comment je fais pour boucler mon mois ? Et on voit les syndicats sortir et dire, ah non, ça c'est des salopards, ils sont racistes. Oui. C'est bizarre comme réflexe, non ? A priori, je veux dire, moi j'ai mon interprétation, mais tout de suite les types arrivent et disent non, c'est raciste. Faut arrêter. Je reviens sur ce que je disais, c'est-à-dire que les syndicats dépendent tellement de l'État qui alloue les subventions à un tel ou un autre que bon, ce sont des syndicats d'État. Donc ils n'ont même pas la position que peut se permettre d'avoir Mélenchon. Il faut qu'ils soient alignés sur ce que dit le régime. Sinon on touche au portefeuille. Et alors, si on touche au portefeuille, tu te rends compte, on ne peut pas se payer une croisière. Hein. Donc, voilà. Comment on fait si on ne peut pas se payer une croisière ? Quelqu'un d'autre là-dessus ? Sur cette attitude ? Je vais peut-être questionner un petit peu Fulbert. J'ai envie de te faire parler, Fulbert. En Belgique, je présume que vous avez un contexte qui est sensiblement le même. À savoir, finalement, une couche de représentants officiels au niveau du syndicalisme comme du politique. Et à longueur d'année, dans les grands médias, on vous dit « bah voilà vos représentants, c'est ceux-là, etc. » Et puis, en France, ça devient visible, patent. Mais chez vous, je suis certain que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire vous n'avez jamais choisi les gens qui parlent en votre nom. J'en suis sûr. Ah oui, bien sûr. En fait, dans le cas de la Belgique, c'est un petit peu particulier parce que, comme vous le savez, il y a deux régions principales, la Flandre et la Wallonie. Le mouvement des Gilets jaunes a passé la frontière, s'est installé en Wallonie. Il y a eu quelques incidents, des barrages, des blocages, des filtrages, des stations à essence importantes bloquées, mais effectivement les syndicats sont complètement hors du coup comme en France. Ça n'est pas passé en Flandre, à ma connaissance du moins, parce que et ça peut s'expliquer parce que en Flandre il y a un parti nationaliste qui défend la Flandre, mais qui défend aussi la Belgique, c'est-à-dire que les Flamands seraient théoriquement plus satisfaits de leur vie que les Wallons. Les Wallons vivent plutôt à la française. Hein. Quand on regarde la région, elle est socialiste. Bon, c'est pas très différent de ce qui se passe en France. Les gilets jaunes belges sont intervenus principalement dans les villes comme de Charleroi, Liège et quelques autres moins importantes. Il y a effectivement un parallèle, ça ne fait aucun doute. Mais je vous le dis, ça n'est pas réellement passé en Flandre parce que les Flamands ont un parti nationaliste puissant qui refuse certaines choses, qui rejette par exemple, même si ça n'est pas lié, qui rejette le pacte des nations de l'ONU là, quant aux migrations, alors qu'on a des hommes politiques wallons qui veulent le signer à quatre mains. Enfin voilà, il y a eu une influence française pour la Wallonie du moins. C'est sans doute dû à la langue, mais pas seulement, à mon avis en tout cas. Oui, le français malheureusement sert de véhicule aux idées socialistes et d'extrême gauche en général, c'est un fait, hein, c'est une constatation. Alors, comment dire, on a eu aussi des beaux épisodes de la part des Gilets jaunes qui se sont fait criminaliser pour ça, c'est d'avoir arrêté des migrants. Et tu parles de clandestins, c'est ça ? Oui, c'est ça, de pouilleux mélanisés planqués dans une cuve. Et en fait, ils ont fait un acte. Enfin, c'était superbe, quoi. Ils ont ensuite été criminalisés par Combini. Vous connaissez ce canard pourri en ligne sur Facebook, la Combini ? Oui, fait, Combini et toute la presse, hein, en général. Voilà, ils ont été traités de salauds. Donc c'est le petit peuple français qui se voit submergé, envahi, c'est-à-dire il est écrasé d'impôts par des politiciens complètement stupides qui l'ont criblé de dettes, privé d'avenir. Ils sont envahis par les mêmes, parce que les politiciens donnent les ordres, ils sont envahis par des Afghans, des machins qui violent leurs filles, etc. Et ils sont censés dire merci. Et la presse rouge juive leur saute à la gorge, après coup, ça c'est Combini, pour leur dire alors. Vous dites pas merci ? Et les types vous font ça avec le vice en essayant de les traiter de salopards. C'est d'une malice, d'une sophistication dans le crime rarement atteint sur cette planète. Oui, c'est le principe de l'hébraïsme. Oui, c'est ça, ça porte le principe de l'hébraïsme. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la cruauté, la sophistication dans la cruauté, l'hypocrisie et la prétention à la moralité. Ça, c'est typique du juif. Moi, je vous le dis très, très sincèrement, je ne sais même pas comment les journalistes français déambulent encore en France sans 3 ou 4 compagnies de CRS pour les protéger. Je ne sais pas comment ça se passe. Ça évolue. Ça va pas tarder, hein, parce que bon. Ils ont des gardes du corps maintenant, hein, pour certains. Et ils deviennent plus en plus anonymisés pour pas se faire, je sais pas, un peu chahuter, quoi. Ouais, mais les gardes du corps arabes qui protègent les journalistes juifs, bon, quand ça chauffe, oui. Oui, ils ne feront pas de zèle, ils feront pas de zèle, je crois pas. Ouais, non. Donc bon, les journalistes de BFM, c'est bien d'avoir des gardes du corps. Ils anonymisent là, il a raison Pierrot, maintenant ils cachent les logos. Ils cachent et quand tu leur demandes vous êtes BFM, ils disent non, on n'est pas BFM. Donc c'est la preuve qu'ils sont BFM. Ça se voit au nez. Voilà, c'est ça. Alors les gars, du coup, témoignage. Parce que là c'est la panique, parce qu'on parle de journalistes maintenant. Alors là c'est la panique généralisée dans la case journalistique. Hein. Généralisée. Nos braves gilets jaunes. Surtout BFM. BFM est particulièrement. Particulièrement avec ciblé. Il s'est pris un œuf, là. Ça y est, ils en ont parlé pendant 10 ans sur toutes les chaînes. Le mec, il s'est pris un œuf, quoi. On dirait. Qu'ils arrêtent de chialer. Je veux dire, quand ça sera Daniel Pearl avec les tenues oranges et qu'on commence à faire un petit peu de charcuterie, là, on commencera à faire des spéciales. Mais là, ils en font trop. Ils en font trop, ils sont en train de se victimiser là, tout ça. Ceci étant dit, messieurs, il se passe des choses, je vous lis. France Info. Parce que la corporation est inquiète. Inquiète, elle tremble. Jean-Wilfried Forques. Témoignage. Nous suivions une manifestation d'environ 1000 personnes près du Capitole, près de Toulouse. Hein. Quand nous étions à côté d'eux, on a entendu toute une série de compliments. Là, je cite. « Cette chaîne de merde, enfoirée de BFM. Nous avons changé d'endroit pour faire une image en direct. J'ai dit à mon JRI, on va se mettre là, il y a 5 CRS, on sera en sécurité. Mais les policiers sont partis. À ce moment-là, nous avons été serrés. 200 personnes se sont rapprochées de nous. Au bout d'un moment, un mec a donné le top départ en criant « Dégagez, sinon on vous défonce !» C'était des mecs avec des gilets jaunes, mais ils avaient la bave aux lèvres. Ils avaient la haine, ils voulaient se faire un journaliste. 20 à 30 personnes m'ont foncé dessus. J'ai fait 100 mètres en sprintant en me disant « Si tu tombes, c'est terminé !» J'ai voulu d'abord me réfugier dans un fourgon de police, mais il était vide. Je suis rentré dans un magasin et mes deux gardes du corps ont fait écran. Oh, mais non, mais le type parle comme s'il était à Bagdad. Non, mais, Je pense sincèrement que si le type avait été alpagué par la foule, il serait sorti de là avec quelques dents en moins. Non, très fort. Pour le coup, je pense pas. Il dirait juste... Il se serait fait copieusement insulter, un petit peu fait. Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois que tu sous-estimes la colère ambiante partout. D'accord. Je crois que les gens veulent. Parce que les gens, tu comprends. Les gens allument leur télévision. Ils disent des trucs. Ils font des trucs. Ils militent pour des trucs. Ils défendent leurs trucs. Tu vois. Comme les grandes gueules. On a parlé des grandes gueules. Bon. Ils défendent leur truc et ils voient ça en face d'eux. Là, j'ai parlé de Marianne Soubré qui leur crache à la gueule. Mais ça pourrait être BFM TV, LCI, etc. Quand les types en arrivent aux... Tu vois, année après année, mois après mois, les types, tu vois, ils voient bien que leur situation personnelle devient de plus en plus critique, tu vois. Et ils voient ces gens de plus en plus arrogants, qu'ils ont beau voter, ça sert à rien. Quand ils voient finalement des journalistes qui tentent de faire un direct pour leur cracher dessus, parce que c'est ça, moi je te dis, il y a des types là-dedans. Ouais, t'en trouves 20, 30 qui sont déterminés à rouster un journaliste. Ouais. Ah oui. Parce qu'il faut voir tout ce que la masse se prend dans la gueule, tu vois. Je veux dire, on a parlé de les viols, la couverture sur les migrants, Tout. Il faut. Toi, peut-être pas, Derrick. Tu vois, toi, peut-être que toi, tu vois, tu dirais non. Moi, j'irais l'intimider. Tu vois, j'irais peut-être lui cracher dessus. Tu vois, mais j'irais pas le taper, etc. Et je peux te dire que t'as des mecs, ils sont à bout. Hein. Ils sont à bout. Ils en peuvent plus. Hein. Je sais pas si je me fais comprendre. Je sais pas si. Ouais, non, mais c'est oui. Non, mais je bon. Bah pour coup pour l'instant, mais... en tout cas, on n'a pas eu le cas, mais ça reste des hypothèses, du coup. Je suis d'accord. Les croix de fer sont prêtes, il n'y a plus qu'à voilà. Non, mais on a, par exemple, ce qui peut corroborer un petit peu ce qui est dit, c'est par exemple sur les Champs-Élysées, il y a eu des trucs qui ont été filmés où les types se font à minima, tu vois, mais couvrir d'injures et barrez-vous. En Belgique, chez toi, Fulbert, là, c'était pas uniquement des mots, quoi. C'était vous barrez tout de suite, sinon on vous tabasse. Et ils ont essayé de s'incruster et en fait leur caméra. Balancé par terre, etc. Puis c'est terminé, quoi. Les gens ont compris que la presse est terroriste. La presse est terroriste. Les journalistes sont des terroristes. Ce sont des terroristes. C'est pas des gens qui sont là pour informer le public ou machin, qui sont neutres. Ce sont des terroristes. Et les gens les ont identifiés comme tels et réagissent par rapport à ça. Je veux dire. Vous pouvez pas comme ça téléguider dans des endroits si différents. Les personnes commanditaient leurs réactions, créaient des réactions d'hostilité contre les journalistes simplement parce que voilà, idéologiquement vous avez dit que c'était valable. Non, ces gens-là se passent pas le mot. Hein. Ils se passent pas le mot de la Belgique, comme moi j'ai vu les images à Toulouse ou à Paris. Les gens se passent pas le mot, ils se connaissent pas. Et ils ont la même réaction. Pourquoi ? Parce que la presse fait le même boulot de merde. C'est-à-dire que c'est un boulot de discrédit politique. Téléguidés par le pouvoir et tous les journalistes sont des ennemis. Voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus ? Non. Seulement. Alors, est-ce que vous avez vu que il y a une rombière dans le sud de la France qui s'est fait envahir son domaine. Oui, député LREM, hein, La République en Marche. Ouais, ma propriété a été envahie par des gens mécontents. Excusez-moi, je suis pas. Non, mon domaine, elle a dit. Elle a dit mon domaine, ouais. Écoutez, bon, je suis pas un fan de la Révolution française, encore moins de 1793, mais pour le coup, c'est drôle parce qu'on est en République Et ce sont des députés, hein, ce sont des représentants du peuple, et vous lisez les communiqués qu'ils produisent, ils disent, voilà, mon domaine a été... Alors, je vais vous lister ça. Bon, non, ça vaut pas le coup, en fait. Mais sa baraque a été envahie, c'est un truc. Il y a des terres tout autour, etc. Et elle dit, mon domaine est envahi, c'est inacceptable. Alors là, je vous pose la question à vous tous qui participez à l'émission, mais c'est très général. Hein. Tous ces députés, au cul gras, subventionnés par les Républicains, La République En Marche, le PS... Mais La République En Marche notamment, qu'est-ce que vous pensez de cette merde? Je sais ce que vous pensez, mais surtout de cette... Par exemple, une nana comme ça, une rombière, merde, des gens sont venus me demander des comptes sur mes terres, tu vois. Il y a un côté ancien régime, quoi. Il y a un côté ancien régime. Je sais qu'il y a des monarchistes qui nous écoutent, hein, et qui... Bon, souvent, j'ai souvent écouté des monarchistes, j'ai souvent discuté avec eux, et ils m'ont dit, bon, le problème de la Révolution française, en fait, c'est pas tellement la Révolution, c'est le fait qu'ils aient coupé la tête du roi, mais sinon, tous les autres, ouais, c'est bon, on pouvait les raccourcir. souvent, on m'a dit ça, quand même. J'ai un peu l'impression qu'on arrive au même stade. Vous pouvez changer de régime tant que vous voulez, hein, pour appeler ça une monarchie, une république, peu importe. C'est qu'au bout d'un moment, il faut purger, quoi. Au fond, je pense que la France arrive à un moment de son histoire où il faut une révolution. Moi, quand je vois des députés de la nation française qui voient 40 personnes, ce ne sont que 40 personnes, mais enfin, 40 personnes contre une, quand même, arriver chez elle, mécontent, et dire « Comment se fait-il que ces gens arrivent sur mon domaine ?» Là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et pour moi, c'est pré-révolutionnaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Lâchez-vous, enfin, dites-moi, même sur tout le truc, quoi. Enfin, tous ces éclats de violence, ce ras-le-bol généralisé, il y a une... Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je ne sais pas la liste de tous les avantages qu'ont ces députés, mais je sais qu'ils gagnent déjà une indemnité mensuelle de 7000 euros. Voilà, 7000 euros par mois, donc voilà, tranquille, quoi. Je sais qu'ils ont tout ce qui est les frais. Alors, ils ont les frais pour eux, c'est un sens très large. Hein, voilà. Transport, restauration, machin, enfin, tout est pris en charge, quoi. Ils ont une retraite extrêmement avantageuse, bien sûr. Enfin, la liste est vraiment très très longue. D'ailleurs, je l'ai pas en tête. Mais enfin, c'est normal, quoi. J'ai envie de dire que les gens sont un peu révoltés par ce train de vie. Et que, surtout, si encore il y avait. Il y avait l'opulence, tu vois, en contrepartie, mais là en plus c'est la galère, quoi. Les gens ils sont en galère et on voit des types qui se gavent en face. Finalement, ceux qui attisent la haine, etc., c'est les députés eux-mêmes. Hein. Alors, comment dire, par rapport à ça, ça me choque pas que, si tu veux, que des gens aient du pognon. Oui, t'as raison, c'est pas le problème en tant que tel, mais la forme, si tu veux, c'est que tu as des potentats locaux qui sont là chargés de saigner le goy qui doit se faire saigner de manière très calme pour justement récolter le plus de sang, hein, voilà, l'agneau, hein. Oui, c'est ça. Donc là, bon, putain, le goy manifeste, il bloque des trucs, il y a moins de TVA qui rentre, ça fait chier, quoi. Putain, il y a moins d'argent qui est pas à nous qu'on va pouvoir donner aux autres. Alors, tu vois, c'est surtout ça le problème. Je m'empresse de préciser que pour ceux qui ont cru que je m'étais transformé en communiste l'espace d'un instant, moi non plus j'ai aucun souci avec les gens qui gagnent du fric, hein, y a pas de problème. C'est juste que là, on les identifie en fait comme des parasites, c'est pas des gens qui vont aider le peuple, c'est des gens qui se gavent et qui en plus sont des parasites. Ouais, non, mais... je sais pas combien il y a de députés en France, je crois que c'est un peu moins de 600, je suis pas très bien au courant ce genre de trucs. Mais enfin, c'est autant d'inutiles, quoi. Je me souviens d'une intervention qui m'a fait mourir de rire, faudrait que je retrouve, de Léon de Grelle, où il parlait finalement de tous ces députés, sénateurs, ministres, etc. Il est dans une diatribe extrêmement anti-parlementariste, où il dit que finalement, bah, ces gens-là, on ne les connaît pas. Les Français ne les connaissent pas. Oui. C'est une masse. On ne les voit jamais, on ne les a jamais rencontrés. Et en fait, on a interrogé le Français moyen, qui est le ministre de la Santé, des Transports. Bon, ils arriveront à situer Macron et puis le Premier ministre, d'accord. Mais voilà, ça va plus loin. Et en fait, on les connaît uniquement quand il y a des affaires qui tombent, quoi, des affaires de corruption. Là, on arrive à retenir les noms. Sinon, on ne les connaît pas. Exactement, c'est très bien observé ça, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Toute cette clique de manipulateurs. Alors, rassurez-vous, ceci étant dit, chers amis, vous qui ne comprenez rien à rien et ne comprendrez jamais rien à rien, Macron a trouvé une solution. Il a décidé de créer un haut conseil. En France, toujours et toujours, une haute commission, une question d'altitude en France. Le président Emmanuel Macron annoncera mardi la création d'un haut conseil pour le climat, composé d'experts, indique le JDD, citant l'Elysée, là je cite Europe 1, devant être annoncé lors de la présentation de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça fait très économie au plan, hein, si vous observez. L'installation de cette structure, placé sous l'autorité du Premier ministre, est destiné à susciter moins de crispations. Je cite la presse officielle, hein, c'est pas moi. Hein. C'est, donc la structure en question est destinée à créer moins de frustrations, de crispations autant moins, sur la politique énergétique et ses conséquences fiscales. Notez le terme de conséquences, précise l'hebdomadaire du dimanche. Il donne parmi ses membres Laurence Toubiana. Ex-négociatrice pour la France. Je ne savais même pas que ça existait, ça. Lors de la COP21, etc., etc. Alors, moi, je découvre qu'en fait, comme solution à l'insurrection populaire de ces centaines de milliers de Français qui en ont en fait juste plein le cul d'être saignés à blanc par cet état judéo-bolchevique pour financer des merdes, à commencer par toute cette négraille, tous ces maghrébins puants, toutes ces mosquées de merde, tous ces machins à droite à gauche, peuplés de gauchistes, de communistes, de fonctionnaires cégétistes, je découvre en fait que tout va se dénouer grâce à une youpine qui va nous dire que, en fait, c'est pour notre bien et que, moyennant quoi, on va tous être contents. Vous en pensez quoi? Alors, s'il vous plaît. Oui. Je sais qu'effectivement, nous avons des projets avec la SNCF pour la Pologne, mais nous ne pouvons pas en parler tout de suite. Mais à part ça, qu'est-ce que nous pouvons en dire? Alors ça, tu vois, c'est un truc qui est... Alors, je sais pas si c'est... Je crois pas que ça existe dans les autres pays. C'est très français. Il y a un problème. Le communisme, c'est très français, oui. Ouais. À ce point-là, oui, mais c'est vrai que c'est... Ouais, peut-être l'URSS, il doit avoir des trucs... Voilà, ça, oui, c'est ça. Voilà, il y a un truc... Bon, il y a des... Il y a un problème, tu vois. Le peuple n'est pas content. On va créer une structure... Voilà, l'État, il crée un truc, hop, on va mettre des gens dedans, et donc bah, des juifs, tiens, au hasard, hein, au pif, hein, comme ça. Au pif. Hein, et bon, ces juifs, bon, en plus, ils vont se gaver de pognon, quoi, parce que là, tu t'imagines bien que représentant du haut comité, du conseil de ci, de l'environnement, la transition écologique et sociale, voilà, hein, on va appeler ça comme ça. Donc tous ces gros cochons de juifs vont venir une à deux fois par an, ils vont se réunir, ils vont avoir un petit jeton, ils vont signer présent, et ils vont pocher des sommes absolument astronomiques et nous dire ben voilà, Français, nous avons bien compris ce que vos doléances. Voilà, c'est pour ça que nous allons vous donner un chèque cadeau, je sais pas quoi, sur l'essence. Pour ce faire, il faudra que vous remplissiez 6 formulaires à envoyer à la préfecture, à l'URSSAF, je sais pas trop quoi, à la sécurité sociale, pour montrer que vous avez un pied beau. Et voilà, et ça marchera comme ça et tout sera réglé. Mon Dieu, quelle horreur, remplir des formulaires pour putain, mais c'est pour que ces gros juifs se gavent, et on a que ça à foutre, putain, les gilets jaunes, ne vous laissez pas faire avec ça, dès qu'on vous monte un machin administratif pour vous niquer, il faut de suite réagir, quoi, de suite. Pour résumer ce que voulait dire Derek en une seule phrase, il y a un problème avec le socialisme. Pour le résoudre, on va mettre plus de socialisme. Ouais, il y a un problème avec le socialiste. L'argent des autres, comment c'est quoi c'est l'argent des autres commence à manquer quoi. Non, on a un problème avec le socialisme. Je vais payer un avocat juif pour le résoudre. Voilà, ouais, c'est ça. Succès garanti, hein. Mais quelle horreur. J'ai vu cette nouvelle là tout à l'heure, ça m'a électrisé, quoi. Bah oui, bah voilà, c'est fascinant. C'est-à-dire que les types te foutent des... Bon, en gros, c'est la finance juive qui fout la pression sur la France, et voilà, on a besoin de pognon. Bon, on vous a prêté tant, ramenez le cash. Macron, qui a été mis là par les juifs, dit oui, tout ce que vous voulez, etc. Bon, on leur pond une taxe débile sur leur Renault, peu importe, en disant que c'est des bandits. Bon, d'accord, tout le monde paye. Ils sont pas contents, ils gueulent, machin, etc. Ah, la vache, ils gueulent, ok. Comment on fait? Bah, ils veulent plus payer la taxe juive. Bon, ils vont la payer quand même. Oui, d'accord, ils vont la payer quand même, mais comment on fait? Bah, c'est simple. On crée un haut conseil présidé par des juifs qui vont expliquer aux goy qu'il faut effectivement payer la taxe, mais moyennant quoi, au passage, il va falloir payer pour le haut conseil. Voilà. En compensation, les plus pauvres, ils pourront avoir le truc, mais sous condition qu'en fait, ce sera juste... Ouais, ce sera 90% pour les nègres, quoi. Non, mais le truc, c'est ça. C'est que plus tu gueules contre les taxes contre les juifs, plus leur réponse, c'est « D'accord, je crée un truc avec des juifs pour te taxer encore plus. » Non. Oui. Et après, les types te disent « Mais comment se fait-il que l'antisémitisme existe même sur cette terre ?» Alors, oui, à ce propos, j'ai eu vent de nombreuses... s'appelle nombreuses discussions hein, qui pouvaient y avoir lieu dans les manifestations sur toute la France. L'article, les propos du juif Salganovitch, hein, si vous n'avez pas suivi, reprenez l'émission de la semaine dernière, qui dégueule allègrement toute sa nature profonde sur les Français, quoi. Voilà, les gens n'aiment pas. Là, je vois Kassovitz, ça fait un petit tweet aussi pas du même acabit. Un petit crachat. Oui, un petit crachat hébraïque, du kibbout, ça, c'est très bien. d'ailleurs, quelque chose me dit que c'est les grands-parents de Kassovitz et de Salganovitz devaient être en voisin. Oui. Hein. Vous avez du... Hein, ça... c'est une culture qui aime le gras de poulet frit, tu vois, qui a disparu. Malheureusement. Malheureusement. Et oui, c'est ça pour dire que reprenez les paroles de ces coquins de juifs qui ne manquent pas de se répandre ça et là. Et montrez-les, regardez, c'est un tel qui a des sympathies pour Israël, ou qui est binational israélien, comme Drahi, tu vois, n'allez pas de suite, voilà. Mais voilà, montrez que ces gens-là sont des gros porcs, hein, des cochons de juifs. Des gros cochons de juifs, qui ne veulent que, votre souffrance, hein. Enfin, que, pas que, vous voir disparaître, mais vous voir disparaître en souffrance, c'est quand même mieux. Oui, voilà. Donc, en vous faisant les poches. en vous faisant les poches, hein, et puis si vous avez le malheur d'ouvrir la gueule, ça leur plaît pas. Hein. Donc voilà, c'est très bien de montrer ces... Voilà, il faut exposer il faut exposer le juif, hein, il faut l'exposer aux yeux des braves gilets jaunes, qui ne savent pas encore les méfaits de ces sales bêtes. Ça va très vite. Hein. Il n'y a pas besoin de grands discours comme avec des militants politiques. À la différence des militants du Front National, il n'y a pas besoin d'expliquer très longtemps aux Gilets jaunes pourquoi le problème est juif. En fait. Voilà. Tu prends quelques juifs qui. Laissons parler le juif. Voilà, il faut le laisser parler. Et tu montres. Et puis, ça fait son travail tout seul. Alors, de toute façon, c'est simple. Hein. Quand les gens vous disent « Oui, non, mais j'ai besoin de beaucoup plus d'explications sur la question juive », vous pouvez vous dire qu'il est déjà... Oui, oui papy... hein, c'est... Bah, bon. Oui. Voilà. Alors, pour conclure, parce qu'il faut bien conclure, Castaner, ministre de l'Intérieur, a des priorités cette semaine, je tiens à vous les rappeler. Je vous livre l'article de Russia Today sur le sujet. La dernière édition de la convention nationale du CRIF s'est tenue le 18 novembre à Paris. Laurent Nunez, un Andalou bizarre qui est sur toutes les écrans. Rastapopoulos. Ouais, voilà. Andalou, hein. Andalousie, hein. Ouais. Amaran. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, a annoncé qu'il veillerait à faire sanctionner le boycott des produits israéliens. Ça, c'est cette semaine. Hein. Priorité absolue. Donc, t'as les gilets jaunes, le peuple dans la rue, comment on va faire pour survivre, etc. Comment on va boucler les fins de mois. On s'en fout. Priorité, la survie des colonies israéliennes. Le CRIF a organisé ce 18 novembre au Palais des Congrès de Paris, on fait les choses en grand, une convention baptisée La République contre les haines. Donc, ouais, déjà, il faut traduire, c'est-à-dire les juifs contre les Français. Ouais. C'est ça. Et notez comment ils nationalisent tout. Hein. C'est la République, voilà, c'est à nous ça. Alors, conférences, débats, tables rondes ont rythmé la journée avec la participation de personnalités politiques, intellectuelles ou encore religieuses, les évêques de France. Parmi elles était présent le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez, donc le flic de la police politique, qui a prononcé un discours de clôture de l'événement. Après avoir salué le rôle du CRIF dans la défense des valeurs de la République face à toutes les haines, donc qui a salué en fait hein, l'activisme juif face aux Français, l'ancien patron de la DGSI, donc la police politique, a condamné avec fermeté l'appel au boycott des produits israéliens. Dans ce sillage, il a annoncé qu'il veillerait avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à ce que des poursuites judiciaires soient effectives. Ces actions sont constitutives d'une infraction pénale et la préfecture de police procède à l'ensemble des constatations pour que des poursuites puissent être engagées, a-t-il ainsi remarqué. Alors moi je suis très content de voir que le patriotisme pousse Nunez d'Andalousie et Castaner, l'habitué des cercles un peu bizarres de jeu dans le sud, à défendre leur véritable patrie qui est Israël, pendant que le peuple français crève la dalle. Moi c'est ce que j'attends d'un ministre de l'Intérieur digne de ce nom, c'est ça. La défense absolue, totale d'Israël. Nos meilleurs alliés. Voilà, nos meilleurs alliés contre l'islam. Pas vraiment, en fait. C'est bien. Donc, les Gilets jaunes, qu'attendent-ils, en fait, pour dire que le plus important, c'est Israël? Je ne comprends pas. Bah, Derek, tu comprends quelque chose? Je comprends pas. Bougez-vous, les gars. Bougez-vous, regarde, Laurent Nunez, Castaner, ils sont tous très clairs, moi je ne comprends pas, ils se mobilisent, ils disent la priorité absolue c'est machin truc, les colonies c'est... en Israël, machin, il faut les faire vivre. La priorité en France, c'est la défense du commerce extérieur d'Israël. Voilà, c'est ça. Il faut du patriotisme, voilà, c'est comme ça que ça marche. Le commerce extérieur français... Eux sont patriotes. Non mais c'est fascinant, c'est bien. En plus, c'est les colonies, c'est même pas Israël en tant qu'État reconnu dans ses frontières internationalement, c'est les colonies, c'est au-delà quoi. Ouais, c'est vraiment les éléments les plus radicaux, quoi. Et eux, ils disent, non, réunion de crise, tu vois, cette semaine, hein, avec Castaner, etc., nous allons engager la lutte contre ceux qui boycottent les colonies israéliennes. Enfin, non, mais... Putain, voilà, il y a dû avoir un exposé de Meir Habib qui était particulièrement... Ça devait être beau à voir. Français, votre pays ne vous appartient plus, votre État est contrôlé par les Juifs. Chaque mois, vous êtes un peu plus pauvre. Vos proches sont plus pauvres. Vous ne savez pas pourquoi. Vous essayez de trouver un coupable. Nous avons ce coupable. Le coupable, c'est le Juif. Amen. Amen. À la semaine prochaine, chers amis.